Parce que genre, Ah, il y a la musique qui a été faite, c'est bon. On peut commencer. Ok. Alors attendez, juste, venir. Juste silence s'il vous plaît. Pas un mot s'il vous plaît. On entend tout. Chut. Ok, c'est bon. Je reviens un petit peu longtemps. Bon, c'est parti les gars. VGBM numéro 42, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast sur Web7 Radio. VGBM, déjà numéro 42, n'oubliez pas, il y a le numéro 39 qui est en préparation sur les films d'horreur et les films d'épouvante. Le programme d'aujourd'hui, on va parler des news, et dans les news on va parler de la série 10% qui est revenue. On va parler du César de lycéen, une nouvelle création de la cérémonie des Césars. On va parler du costume d'Oscar Isaac qui est insupportable dans X-Men. Apocalypse, on va parler de Scrubs qui va peut-être revenir pour une nouvelle saison et bien sûr on va faire notre petit jeu, le gros fight avec un acteur choisi, et ce jeu où il faut bien sûr citer un film dans lequel il joue ou dont lequel il a réalisé tout le côté technique. Le sujet principal ce sera les crimes de Grindelwald, les animaux fantastiques, Harry Potter. En fait, ce titre, il est super long. Je sais pas ce que vous en pensez. Les animaux fantastiques 2, tu peux dire. Non, mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est Harry Potter, les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Tu vois, c'est assez large. Mais bon, après, on en reparlera. Il y a pas écrit Harry Potter, mais bon, si tu veux. Oui, mais bon, pour les gens, c'est Harry Potter. On dit souvent, on va voir Harry Potter. Tu vois, mais il y a bien une mention Wizarding World. On en parlera tout à l'heure. Merci, oui. Mohamed. Mmh. Quelqu'un qui me soutient. Merci. C'est pas quelqu'un qui m'abandonne, merci beaucoup. Non, je plaisante. Je plaisante. Et sinon, j'ai envie de présenter quand même les gens. Attends, j'ai envie de présenter quand même les gens. On va présenter et on présente d'abord. On présente d'abord qui dans cette émission, Tommy? Exactement, t'as tout compris. On présente bien sûr Camille, la seule femme de cette équipe. Et quelle femme? Comment ça va, Camille? Ça va très bien. Merci. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? J'ai envie de savoir. Alors, je suis allée voir Les Crimes de Grindelwald. Oui. Et je suis allée voir Saltan à l'hôtel. Royal. Ouais, exactement. D'accord, voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure. Tommy, bien sûr, Tommy. Et oui. Le bon soldat de cette équipe, j'ai envie de dire. Au rapport. Au rapport, toujours. Comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait durant la semaine? J'ai travaillé, j'ai fait mes derniers jours au cinéma. Ouais. Mm-hmm. T'étais hôte d'accueil, c'est ça? En fait, tu donnais les tickets et tout ça. Et tu t'es fait virer. Voilà. Ah bon? Oui. Ah, t'es pas parti? Non. Viré. Mais pourquoi t'as été viré? Dénonce? Non, je peux pas faire ça. Ah bon? Et du coup, j'ai vu Saltan à l'hôtel El Royal. J'espère qu'il n'y a pas des histoires de coucherie là-dedans. Je dis ça, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui connaît bien. Je ne veux pas savoir. Il veut foutre la merde ce soir. Ouais. Et oui, j'ai vu Saltan à l'hôtel El Royal et les crimes de Grindelwald. Okay. Harry Potter, Animaux Fantastiques. Attends, petit suspect, mais serais-tu allé voir ces deux films avec la même personne? Oui. Oh ah bah oui. Ah bah bien joué. J'ai envie d'enchaîner avec Gauthier, qui lui aussi est en plein amour et voilà, il est en couple depuis 2-3 ans. Et on laisse le privé au privé, mais j'ai envie de savoir toi, comment tu vas? Bah moi ça va très très bien. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? J'ai envie de savoir ce que tu fais dans la vie. Le matin tu fais quoi? Tu te lèves, tu fais quoi? Raconte-moi ta vie. Je mange mon bol de céréales. Ouais. Tu manges quoi? Frosty ou... Non, tu sais, c'est des Choco Pops, ça, des trucs carrés avec le chocolat à l'intérieur. Bon là. Ah, le lapin? Non, la grenouille. Smax. C'est pas un singe? Smax. C'est un singe, c'est pas une grenouille. Je crois que c'est ça en plus. C'est le paquet XXL, tu vois, c'est genre le paquet qui dure vraiment longtemps. Ouais. Avec marqué plus 15% gratuit. Ouais, je suis en train de le dépouiller. Format éco. Est-ce que je veux juste faire un petit. Mais on se rappelle quand même, durant notre enfance, il y avait des jouets dedans. Oui, je crois que c'est interdit parce qu'il y a un problème de risque de santé si jamais il avale, je crois, le papier ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Faut vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est à cause des d'oral exploratrices et tout, ça rend les gosses cons. Enfin bref. Oh là, petite attaque gratuite comme ça. Tellement. C'est plus des jeux concours maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'achète mes céréales, c'est toujours aller voir le truc. Le code, mais qui fait, c'est comme là. Oui, bon. C'est comme McDo, là. Moi j'aimais bien mes petites vignettes avant Monopoly quand il y avait jeu. Ah ouais, c'est tout sur Internet. C'est trop bien ça. Ouais. Mais c'est tellement. Maintenant c'est sur Internet, c'est nul. Petite anecdote aussi. Avant, on avait un jouet, genre une petite balle en mousse. Et maintenant, tu peux avoir un voyage en Australie. Tu vois, on finit les choses au cinéma là. Mais avant, on avait tous une balle en mousse. Voilà, elle a raison, on avait tous une balle en mousse. Oui, c'est vrai. Ah, deux pieds bas. Oui, c'est vrai. Mohamed, comment tu vas ? Ça va super. Alors celui-là, il fait son malin parce qu'il est arrivé en une émission et déjà, j'ai l'impression qu'il est là depuis longtemps. Non, mais franchement, il a construit son petit chemin, il est arrivé, il a fait un bon boulot la semaine dernière, il nous a parlé de Mickey Mouse, il nous a parlé un peu de sa vie aussi, avec sa petite femme, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Alors pourquoi à chaque fois, là, j'aimerais bien savoir, à chaque fois qu'on parle de la femme d'un mec, on dit là, sa petite femme. Pourquoi ? Parce que tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est quoi cette expression ? Non, mais c'est vrai, sa femme, sa grande femme. Totalement sa sexiste, magnifique ouais, femme. Effectivement. Ouais, comment elle s'appelle déjà ? Parce que j'ai déjà oublié son prénom et c'est un manque de respect. Comment elle s'appelle déjà ? Elle s'appelle Lina et je l'embrasse. Lina, je t'embrasse aussi. Vous avez vu comment j'ai pris ma voix sexy et séduisante ? Elle va kiffer. Elle va kiffer, on est d'accord. Comment ça va la vie ? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine ? Bah écoute, ça va super. Moi j'ai beaucoup bossé cette semaine. Gauthier ne rigole pas. Et voilà, concrètement. Non, j'ai beaucoup bossé cette semaine, ça va super. Et voilà. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu des news, les gens ? Oui. Il faut dire oui parce que sinon les messages sont tellement. Ouais. Merci beaucoup. Super. Non, montrez votre motivation. Non, j'ai envie de parler. Qui regarde 10% sur France 2 ? J'ai envie de savoir. J'ai regardé la première saison. Oui. Et j'ai commencé la deuxième. Exactement. Et est-ce que t'as aimé ? Oui. Parce que je crois que c'est disponible sur les plateformes hein, aussi. Hein. Bah, les anciennes saisons. La première et la deuxième sont sur Netflix. Bah voilà. Ah bon ? Donc, ah ben. Ça fait pas longtemps. Tu vois, je regarde un truc français. C'est une bonne idée. Oui, c'est un truc français. C'est le principe, c'est on parle un peu du métier d'agent, plus spécialisé dans les grosses boîtes, hein, dans les gros contrats. Série française qui a, on va dire, cartonné même au niveau popularité, mais critique, sur Netflix, etc. Elle y est même en anglais. Enfin, on peut la trouver sous-titrée en anglais. Et c'est Call My Agent. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, c'est pas mal. Donc c'est déjà pas mal. Hein. On est pas mal en série télé en ce moment, je trouve. Bah, ça dépend quelle chaîne le fait, parce que si Canal ou de France 2. Voilà, exactement. France 2, quand même, ils font des super bonnes séries accessibles à tous. Quand tu compares à TF1, si oui. Comparons ce qui est comparable, voilà. Mais c'est vrai que Canal, après, c'est bien au-dessus du coup. Plus belle la vie, c'est bien ? C'est France 3. Ah non, alors plus belle attends, la vie. Je regarde Plus belle la vie. Ah bon, parce que Plus belle la vie, il y a du talent quand même dedans. Je oui, c'est vrai. Parce que j'ai regardé ça quand j'étais adolescent. Et je trouve quand même, il y a toujours du talent dans cette série. Non, mais c'est ça pour rigoler de toute façon. C'est juste qu'ils tournent super vite, ils n'ont même pas le temps d'apprendre bien leur texte et tout. C'est vrai. C'est le problème de toutes les séries de ce style-là. C'est vrai. Non. Et puis bon, après, on aime pas, mais il y a des gens qui aiment bien Joséphine Angerdien, Camping Paradis, tout ça. C'est les goûts, les couleurs. Vous voulez une anecdote sur Plus belle la vie ? Vas-y, on va. C'est la série numéro 1 en prison, parce que généralement, quand ils ont une télé, c'est bloqué sur France 3. Et il y a énormément de prisonniers qui sont absolument fans de Plus belle la vie. C'est assez drôle quand ils vous en parlent. Ouais. C'est dingue. Super anecdote. C'est bien, ouais. Non, mais pour de vrai. J'étais là, je pensais qu'il y avait une anecdote de tournage, tu sais. Non, il parle de la prison. C'est super. Mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est super. C'est quand t'as un gros, tu vois, balèze et tout, tatoué qui te parle de Plus belle la vie et de machin, tu vois, ça montre une autre face de la personne. Et ça casse les clichés, c'est bien. Ouais, ça casse les clichés totalement. Mais bien sûr. À côté, ça parle de deal, de police, donc. Ça parle aussi de l'actualité. J'ai jamais regardé, je sais pas, j'avoue. Moi, je regardais pas. En tout cas, pour revenir là sur les séries. Ouais. L'émergence des séries en Europe, c'est surtout les Espagnols, hein, parce qu'ils avaient fait La Casa de Papel, qui a été un succès, et là ils reviennent avec une nouvelle série, je crois que ça s'appelle Du même créateur, Light, non, c'est ça ? Un truc comme ça, là. Ouais, c'est le même créateur, c'est Light, mais d'ailleurs il y a certains acteurs de La Casa de Papel qui reviennent, et apparemment c'est le nouveau. Voilà, ils surfent sur la vague, hein, ils profitent. Hein. Bah, c'est bien. Non, mais là, les séries françaises, Canal+, ils en font beaucoup, Bureau des légendes, tout ça. France 2, 10%, c'est un peu la série qui a donné un peu une popularité dans les séries France 2. Mais voilà, saison 3, alors j'avoue que j'ai regardé les deux premiers épisodes. Il y avait Jean Dujardin et il y avait Monica Bellucci. J'avoue que l'épisode de Monica Bellucci n'était pas déplaisant. Mais après l'épisode de Jean Dujardin, j'avais trouvé ça un peu moyen. Et puis bon, j'avais pas regardé non plus toute la série. Mais après, on comprend très bien, on s'adapte vite. Bon, je suis pas fan, j'avoue, mais bon, pourquoi pas. Je veux dire, il faut un peu de tout dans cette télévision française. Deuxième news très intéressante, les Césars 2019. Déjà, je pose la question, qui regarde les Césars en vrai ? Mais qui regarde du début jusqu'à la fin ou une grosse partie des Césars quand ça arrive sur Canal ? Personne ici. Non. On fait une émission de cinéma, personne regarde les Césars. Moi, je regarde les Oscars. On suit les résultats. Attends, tu suis les Oscars, c'est à 2h du matin. Ouais. Non, bon, suis les Oscars à 2h du matin et à 20h50 avec Manu Payet qui présente. Oui, mais à ce temps-là, nous, je sais pas. On va pas se cacher parce que même il y a beaucoup de journalistes, ils vont le dire, c'est que les Césars, la cérémonie, elle est chiante. Ouais. C'est chiant. Alors moi, personnellement, ça m'intéresse les résultats, donc je suis les résultats. Oui, donc, voilà. Le lendemain, après la cérémonie, je vais voir qui a gagné idem. Quoi. Les trucs. Non, mais regardez la cérémonie, restez devant, non. Plaidons coupable que comme 90% des Français, on lit l'article qui en parle le lendemain. C'est tout. C'est vrai. Puis, à la différence des Oscars, c'est que les Oscars, ça arrive après, puisque c'est aux États-Unis. Le choix, le lendemain, donc, ça arrive après. Donc, déjà, le truc qu'on nous montre, il est déjà monté, c'est déjà un peu plus présenté façon spectacle. Après, ce qui est intéressant quand même avec les Césars au lieu des Oscars, c'est que les Césars, on parle des films de l'année, et véritablement de l'année, alors que les Oscars, on parle des films qui sont quasiment déjà pas sortis ou sont. Voilà, c'est les sorties qui vont arriver la semaine d'après. Un peu des deux. Ouais, mais bon, t'es d'accord avec moi quand même, c'est des films qui sont récents. Voilà, la sortie est d'il y a une semaine ou deux, ou même un mois. Mais ce qui est plaisant, c'est après les Oscars, comme tu dis, c'est déjà monté, c'est peut-être ça, c'est pour ça que nous en France, c'est plus facile de regarder les Oscars. Mais au final, ça a le même intérêt, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la cérémonie. Ce qui est important, c'est le résultat. Je trouve pas ça extraordinaire, les Oscars. Mais personnellement, j'ai vu des extraits, etc. Déjà, c'est très long aussi, j'ai l'impression que c'est même plus long. Et puis, non, je suis pas si extraordinaire que ça, c'est sympathique. César. Bon, ouais, les Césars, ça dépend les années. Mais c'est vrai que c'est pas. Sur les Césars, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, pour certains, un entre-soi un peu élitiste, ce qui peut repousser les gens. Alors que les Oscars, c'est tellement populaire que tu peux regarder, tu vois. Et d'ailleurs, dans l'industrie du cinéma, il y en a beaucoup qui reprochent cet entre-soi un peu élitiste au César, des acteurs français et réalisateurs. Je peux comprendre. Hein. Il faut avoir la carte, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, ouais. C'est sûr que Danny Boone n'a jamais été nominé. Bon, on peut dire ça par exemple ça. Mais bon, en même temps, bon, je sais pas, je suis pas si sûr. La chose à dire aussi, c'est que notre État français, on a une chance, c'est qu'il y a le CNC. Le CNC, il y a quand même une source financière assez importante. Donc on produit vraiment beaucoup de films. Donc dans ces films-là, malheureusement, les gens vont surtout aller voir les gros films, donc que ce soit les gros films français ou les gros films américains, et bah, j'ai envie de dire, les petits films, il y a peu de monde qui l'ont vu, 20 000 personnes, 10 000 personnes. C'est ça. Ou les films de genre. Les films de genre français, malheureusement. Ouais, mais justement, ça paraît de faire un peu de pub aussi. Ça fait déjà de la pub aussi, ouais. On en parle, mais c'est vrai que celui qui va gagner alors qu'il y a eu 20 000 spectateurs, c'est vrai qu'on se dit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit rarement de gros films populaires, c'est de gros blockbusters, c'est que ça permet mettre la lumière sur des films. Et la news que j'ai envie de vous citer, c'est qu'ils vont créer un César lycéen. Donc les lycéens vont élire un film, le film de l'année. Donc j'imagine qu'ils vont faire comme le Goncourt lycéen. Non, lycéen, ils aiment pas la 2. C'est plus collégien. J'en ai vu. Je pense que là, au cinéma, j'ai vu. Je pense que là, ça sera pas populaire non plus. Hein. Je pense que ça va être juste un listing. Peut-être qu'il y aura même une liste déjà préparée. Ouais, puis après, c'est lycéen. Oui, peut-être une liste imposée. Un chacun pour tous, un film du genre, moi, je le vois bien. Peut-être, ouais, chacun pour tous. Ou même un entre-deux. Tu vois, un film qui est un petit peu populaire, un petit peu auteur. Une sorte de kid choice. En liberté, par exemple. Il a totalement raison. En liberté. Comédie, mais auteur, entre guillemets, avec un aspect beaucoup plus travaillé, beaucoup plus. J'ai même pas envie de dire artistique, parce qu'il y a des comédies populaires qui sont artistiques aussi. Ouais. Mais voilà, et plus bobo, entre guillemets. Bon, je vais dire bobo, bon, ça fait un peu cliché, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. La troisième news, alors ça, j'ai lu ça ce matin. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est Oscar Isaac, je sais pas si vous avez vu ça, qui témoigne du tournage de X-Men Apocalypse. Donc j'ai envie de te dire, la news en elle-même, on s'en fout un peu, on peut se le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous vous souvenez bien, il faisait un personnage totalement déguisé de la tête aux pieds, un genre d'extraterrestre. Et dans cette interview, il raconte qu'il a en fait énormément souffert, parce que déjà il était isolé, il pouvait pas parler avec les autres, il était sur un siège donc il pouvait pas trop se déplacer, il y avait des heures de maquillage, ce qui est normal pour un costume, mais il y avait même un système de ventilation, si j'ai bien compris, ou de rafraîchissement, tellement ça collait, tellement, et il fallait gratter après à la fin du tournage, chaque jour gratter sur la peau pour enlever le maquillage. En plus, je vais être donc méchant. Le mec, il a souffert en fait durant tout son tournage. Je vais être méchant pour un rendu qui est moche en plus. J'avoue. Mais peut-être violet bleu là, c'est ça. Quelque chose que je comprends, c'est qu'aujourd'hui tout le monde fait de la motion capture. Alors pourquoi je préfère faire comme ça? Peut-être à l'ancienne, ils voulaient faire un truc à l'ancienne, c'est un aspect aussi. Ça reste certains rendus quand même. Oui, Alien par exemple, tu prends le 1, c'est beaucoup mieux qu'un truc 3D. Alien, c'est mieux que. Oui, bon, c'est vrai qu'on compare quand même. Non, mais c'est vrai parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi faire le contraste quand t'es bourré d'effets spéciaux, d'écran vert tout autour de toi et qu'il y en a un qui arrive, qui débarque, il est. Lui, c'est un costume. Ça fait une certaine cohérence. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, Iron Man, lui, c'est pareil. Dans le premier, il avait l'armure, il portait l'armure. C'était chiant déjà pour l'acteur. Et puis, on a vu que le résultat n'était pas terrible. Donc, aujourd'hui, la moitié du costume est fait numériquement. Et ils auraient dû faire ça. Quasiment tous les personnages Marvel aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. Et en plus, il raconte vraiment que lui, il avait dit oui pour les acteurs, en fait, pour le casting qui était là. Il s'est dit, je vais m'amuser, je vais faire. Et puis en plus, un film de super-héros, je crois qu'il avait fait en même temps, si je me rappelle Star bien. Star Wars, non Star Wars, oui, je crois. Ouais, il joue pas dans donc Star il Wars. Était, il était vraiment en pente. Et puis là, il y a eu un tournage un peu difficile pour lui. Je pense que c'était pas non plus un traumatisme. Mais bon, c'était un peu difficile. Et surtout, il pouvait pas communiquer avec les autres. Il était isolé. Parce que tellement, c'est compliqué, d'heures de maquillage. Après, c'est du blockbuster. Mais comme il y a beaucoup de comédiens chacun autour de la table, j'ai envie de savoir, c'est votre rêve ou pas de d'avoir un rôle en costume, maquillage complet? Pas mon rêve, mais j'aimerais bien essayer. Ouais, ouais, ça peut être marrant. Ça peut être Moi, ce que j'aimerais bien. Vas-y. Ce que j'aimerais bien, c'est faire un monstre dans un film d'horreur ou un slasher. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Et pouvoir avoir un peu de. Tu sais, je bouge un peu. Bizarrement. Un genre de zombie, quoi, un truc comme ça. Pas zombie, mais tu comprends ce que je veux dire. Genre Silent Hill ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, un monstre un peu bizarre, et j'aimerais bien faire un truc comme ça. Camille. Il faut quand même bouger son corps. Moi, ce serait plutôt genre les elfes ou les trucs comme ça. Ah oui, aussi, oui. J'ai vraiment dans Seigneur des Anneaux, tu sais. Ah, dans ce style-là, alors. À moi, clairement un super-héros. Mais ouais, ça me permet de rebondir le costume des Spider-Man des premiers par Sam Raimi. Génial. Mais Tobey Maguire galérait. La même chose que Oscar Isaac, et genre à chaque fois qu'il avait envie de pisser, fallait qu'il se mette à 4 dessus pour lui enlever le costume. Non mais, donc ouais, tu vois un peu le niveau. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes les derniers Spider-Man qui ont été tournés, c'est beaucoup plus simple, puis effectivement, ils font ça aussi avec la motion capture, le costume est totalement différent, il n'a pas le vrai rendu que tu vois en film, quoi. Ok. On enchaîne avec la news suivante. Est-ce que vous avez regardé quand vous étiez adolescent, ou même peut-être enfant, parce que ça, quand même, ça date, Scrubs, la série Scrubs, oui. Est-ce que c'était de votre génération ou pas? Totalement. Camille, non, Gauthier. I'm a nigga. Gauthier, j'ai l'impression que je lui parle d'un truc. Si, si, ça me dit quelque chose. Bon, Scrubs, c'était une série entre guillemets médicale, mais surtout comique. Ouais, aussi à un côté un peu nostalgique, l'humour. Ah, c'était totalement loufoque et burlesque, c'était génial. C'était super triste. Moi j'avais vu la première saison, j'ai pas vu le reste, mais c'était c'était assez lourd. Il y a des moments où tu peux pleurer. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais, ouais. Et moi, on regardait quasiment tout avec un de mes meilleurs amis. Enfin, c'est enchaîné un peu les. Et ils sont en train de se dire peut-être ça va revenir, donc ça vous avec tente pas acteurs, ou est-ce qu'on en a marre des séries qui reviennent? Parce que ça, c'est vrai que c'est un débat. C'est vrai, ils sont tout revient. Ils se sont vus cette semaine, là, je crois, il y a 2-3 jours, et c'est pour ça, effectivement. Moi, franchement, je serais 100% OP pour qu'ils reviennent. Ouais. Totalement. En tant sur que cette fan, série-là. Quoi. En tant que ouais, fan. Ouais, en tant que fan. S'ils reprennent effectivement les mêmes acteurs et tout, machin, parce que c'est vraiment pour ça hein, qu'il y a l'aspect comique. Ouais, Bob Kelso, enfin, JD, on va pas parler de tous les personnages, ouais, haters, c'est etc. Fini, mais ouais, moi, personnellement, je suis super enthousiaste. Moi j'adorais. Big up à John. Pour ceux qui ont vu cette série, alors vous allez m'aider, peut-être vous vous souvenez des noms, mais c'était son référent au personnage principal. Oui, à chaque fois qu'il voyait, il avait envie de le taper. Ouais, ouais, c'était bien. Extraordinaire. Ouais, non, franchement, série à conseiller, au moins la première saison. Ouais. Même après. Non, mais même après. Oh, moi, après, j'ai un peu décroché, mais première saison, tip top. Ça reste cool. Tip top. Ouais. Non, il y a eu combien de saisons? On l'a 10. Voilà, c'est ça. 7-8. Ça a été racheté. Ouais. Hein, et il y en a eu 2 ou 3 en plus, mais qui sont beaucoup moins bien que le reste. Hein. Parce que ça a été racheté par ABC ensuite, parce que je crois que c'était de la Fox. Non, pas la Fox, non, je sais plus, mais une autre boîte. Ça a été racheté pour continuer. Après, ils ont refait un genre de reboot suite, parce qu'ils changeaient d'hôpital. Donc, ils ont changé les personnages. Excusez-moi. Et puis voilà. Et puis après, ça a moins marché, donc ils ont arrêté. Mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est devenu culte quand même. Ah non, mais cette série, elle est excellente. Elle est underrated. Elle est vraiment sous-estimée. Et en plus, c'est une des rares séries. La VF est quand même super bonne. La VF, franchement. Alors, si vous êtes allergique à la VO, vous pouvez tout à fait écouter en VF. Je vous l'autorise parce qu'elle est vachement bien. Okay. Non, c'est vrai, j'aime c'est bien la voix. C'est un peu comme les Simpsons, South Park, c'est une VF qui a les Simpsons, c'est sûr, 100%. Ouais. Mmh. VF, bah, on est d'accord, Tommy. On est d'accord. Depuis la voix, c'est trop bien sa voix. South Park, le créateur, il a quand même dit qu'il préférait la VF à la VO. C'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est dingue, tu vois, je savais même pas. Okay. On enchaîne avec mon cher Gauthier qui a bien travaillé. Il a eu des infos intéressantes, croustillantes. Je te laisse la parole. Je vais commencer. Avec Wes Anderson. Non, t'es pas obligé de rapprocher le truc, t'inquiète pas. On entend bien. Oui. Alors, Wes Anderson, c'est celui qui avait réalisé L'île aux chiens l'année dernière. Donc, il fait un nouveau film. C'est une comédie musicale. Hop, et voilà. À Angoulême. Ouais. Donc c'est voilà, il tourne le film. Scotty, c'est le pro de. Eh, comment ça va? Tu vois, c'est le pro de. J'ai le micro, mais à 3 mètres. Ouais, non, ouais, c'est ça. Donc des moments, on l'entend de loin. Je sais pas si vous avez entendu le podcast. Des moments, j'entends un mec de loin, on a l'impression qu'il est au l'autre bout de la salle. Des fois, je me balance et tout en arrière. Ouais, c'est ça. Totalement, tu vois. Le mec, il oublie. Si un jour on cartonne et qu'on est dans une vraie radio, je te mets un casque micro. Comme ça, je suis sûr qu'on t'entend. Ouais, non, parce que toujours je fais ça dans une radio, je me fais défoncer. Je fais une émission. Donc, oui, mais avec moi, tu seras toujours bienvenu. Tu l'as fait l'info. Je suis en train de te donner une déclaration. Il te donne de l'amour là. C'est une déclaration. C'est une déclaration de cinéma, mais d'amour aussi. Oh. Amour du cinéma, amour des gens. Amour de tout avec toi en ce moment. Ouh. Ferme ta gueule. Allez, on y va. Allez. Donc je disais, Wes Anderson. Il y a des gens qui écoutent. Le prochain film, donc, c'est une comédie musicale qui est actuellement en est à Angoulême. Et la première actrice qui a été castée, c'est Tilda Swinton. celle qu'on a pu jouer, notamment l'ancien dans Doctor Strange. Oui. Donc elle a été confirmée. Mmh. Et donc certaines rumeurs diraient qu'au casting, on retrouverait aussi Brad Pitt, Léa Seydoux et Nathalie Portman. Ah ok, wow. Assez large quand ça, même. Alors, hein. Brad Pitt, wow. Et alors, attends, Portman, j'ai pas très bien compris, mais c'est quoi en fait le... C'est une comédie musicale qui se tourne en Angoulême, actuellement. D'accord. J'ai pas plus d'infos. Ok. Par qui, Wes Anderson, donc c'est... D'accord. C'est le je pense que c'est une très bonne nouvelle. Mais il a un style spécial quand même. Bah après ça dépend. Est-ce qu'il va être dans la veine de La La Land avec un côté un peu Frenchy, un petit côté chantant être... entre guillemets ou vraiment regarde le style de L'île aux Chiens. Tu vois, c'était quelque chose assez dramatique. Tu penses assez... Peut-être pas dramatique. Ouais, mais musicalement, mais assez... je veux dire, parce que musicalement, j'avais musicalement, pas imaginé. Je sais pas du tout. Est-ce que ça va être comique? Non, est-ce que ça va être très Broadway? Je pense que ça va être peut-être très français, à mon avis. Si c'était en Angoulême. Ah ouais. Mais pourquoi? T'as raison. Brad Pitt et tout, c'est français. Ah parce que Wes Anderson, c'est américain. Il fait une production américaine. Ouais. Et puis la deuxième, c'est Marvel et Sony. Donc après Venom, c'est au tour de Morbius d'avoir son propre film. Quoi ? Le vampire ? Réalisé par c'est Daniel Espinosa. C'est le réalisateur de Life. Il mettra en scène donc Jared Leto dans le rôle du vampire. Mais c'est Spider-Man. Vraiment un perso. Alors, c'est un ennemi de seconde zone de Spider-Man, vraiment, Morbius concrètement. Voilà. Après voilà, bon, je peux comprendre s'ils veulent faire, ils vont faire un film qui a rien à voir, mais ouais, en tout cas, ouais, encore ouais, je vais faire cliché, mais excusez-moi, je reviens sur Aquaman parce que Morbius. Alors ils ont sorti un trailer, le dernier trailer d'Aquaman, il est pas mal. Hein. Ça donne envie hein, vraiment. Ouais. Est-ce non que mais tu en regardes plus, les trailers. Mais je parle pas du film, moi je parle vraiment du nom, tu vois, parce que le nom est important comme une marque, tu vois. C'est une marque, c'est important. Il y a eu Ant-Man. Alors moi je sais pas ouais, si ça. Ouais, mais Ant-Man, on savait pas vraiment ce que c'était Ant-Man, ça faisait Ant-Man genre hanté tout ça, bon. Tu vois, non, c'est mais pour non, les non, français, non mais pour les français, tu vois, t'entends le truc, tu t'imagines, t'as. Sauf que comme ça résonne déjà un peu plus, même si on connaît pas trop le personnage, il est déjà un peu plus célèbre. Oui. Mais Morbius, c'est pas connu du tout, j'avoue. Enfin, non, pas mais trop. Non, non, mais moi, pas du tout. Entendu. Je pas trouve du tout. Morbius plus classe comme nom que Batman, Ant-Man, Spider-Man. Enfin, c'est alors, clairement la porte, des la noms porte d'insectes de sortie, avec parle, Camille, la porte de sortie. Attends, moi, je viens de penser à un truc. Parce que Morbius, dans les dessins animés Spider-Man que je regardais quand j'étais tout gosse, oui. Il y avait Morbius, oui. D'accord. On a vu même. Et il y avait aussi Blade dans le dessin animé. C'est exactement là où j'en ai parlé. Dans le dessin animé Spider-Man, et je me demande, comme ils voulaient refaire Blade, je me demande s'il n'y aura pas un lien. Qui sait qu'elle est droite Blade cinématographique. C'est pas Marvel. Ah, je sais pas ce qui. Je crois que c'est Marvel. Il me semble que c'est pas Marvel, effectivement. Je crois que c'est soit Sony. Non, c'est pas Sony non plus. Warner Bros. Non, c'est pas possible. Non, c'est un autre truc, mais je sais plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas Universal. C'est pas Weinstein Company. Je me demande si c'est pas une filiale. C'est pas les frères Weinstein, non. Miramax. C'est une bonne question. Ah, peut-être Miramax. Mais Miramax a été racheté aussi. Ouais, mais ça, c'est parce que maintenant, tu donnes un nom d'une boîte, mais elle a été rachetée par une boîte. C'est énorme. Et Miramax, c'est Disney. En tout cas, si c'est Miramax, c'est Disney, et donc c'est Marvel par extension. Mais tout ça pour dire que Morbius, il y a possibilité qu'il mette Blade avec. Parce que dans les épisodes de Spider-Man, Blade venait chasser Morbius. Si à Wesley Snipes, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Il n'y aura jamais. Il fera peut-être le père du mec qui va reprendre. C'est possible. Après, il vit pas le gars. Jared Leto, les gens, quand même. Jared Leto qui va jouer un vampire. Donc ils vont sûrement. En connaissant Jared Leto qui a un style assez particulier, ça sera sûrement un vampire dans le style, si vous avez vu ce film, Entretien avec un vampire avec Tom Cruise et Brad Pitt. Ouais, super, pense, film. Super film. Je et pense qu'on sera dans ce genre-là. Non mais franchement, Jared Leto. Oui. On l'utilise pas un peu trop. Ouais, bah, c'est, vrai, quoi. C'est pas mal ça. Moi c'est je vais dire, regarde Venom, ils ont voulu prendre une acteur star, ils ont pris Tom Hardy. Finalement, Tom Hardy, c'est la seule chose bien du film. Là, Jared Leto. Moi j'aurais pris, j'arrive jamais à dire son nom, mais je sais pas pourquoi. C'est comme ça, quand tu m'as dit Morbius le film, j'ai pensé à lui. Jake Gyllenhaal. On est dans la même veine. Mais lui il joue déjà Mysterio dans le prochain Spider-Man. Ah oui, c'est vrai. Si on le met trop dans l'univers Spider-Man, ouais, c'est vraiment. Après, je pense qu'il n'y aura pas Spider-Man dans Morbius. En vrai, pour incarner les héros et les méchants Marvel, t'as pas besoin d'être un gros acteur bankable. Tu regardes les héros Marvel aujourd'hui, franchement. Ils étaient inconnus avant. Ils étaient quasi. À part Robert Downey Jr. qui avait une carrière avec. Oui, voilà. Chris Evans aussi. Oui, Chris Evans, il a fait des trucs, mais c'était pas. Chris Evans, il est pas qui vient de quoi. Des cas fantastiques. C'était surtout beaucoup d'acteurs qui suivaient des échecs, quoi. C'est ça. Et peut-être à part Chris Pratt, qui du coup. Ouais, mais lui, c'était une nouveauté. Tout est arrivé en même temps. Chris Pratt, il venait de la télévision. Lui. Ouais, non, mais je veux dire, Jurassic World plus Gardien de la Galaxie. Chris Pratt, il est aussi dans Wanted. Ouais. Il est dans My Movie Project. Faut pas l'oublier. Il fait des petits trucs. Ouais, mais c'est pas un peu My Movie Project, par exemple, il y était parce que c'est une star de la télé. Comme il y avait beaucoup d'autres stars de la télé, c'était une star. Je sais plus comment c'était la série où il jouait, d'ailleurs, il était beaucoup plus gros. Oui. Et c'est vraiment les Gardiens de la Galaxie, lui, c'est vraiment musclé. C'est là, ils ont dit, ouais, en fait, le mec, il a vraiment un physique de star hollywoodien. Ah, il a changé. Il a travaillé. Totalement. Le physique qu'il avait et le physique qu'il a maintenant, il a travaillé. Gauthier. C'est fini. C'est fini. Parfait, j'ai envie de jouer à un jeu. Est-ce que vous avez envie de jouer? Oui, oui, toujours, ouais, on est là pour c'est ça. C'est parfait. Donc vous savez que j'ai choisi quelqu'un? Ah. Choisi un acteur? Mm-hmm. Je vous dis pas qui encore. Ouais, ouais, j'ai choisi un acteur populaire. J'ai choisi Jean Reno. Multigénérationnel. Ça va être peut-être difficile, mais au moins. Non, il y a de quoi parler. J'en ai quelques-uns, mais... Parce que monsieur a fait quand même. Ouais, il a fait pas mal de trucs. Filmo, surtout une filmo reconnue. On peut aimer, on ne peut. Je vois les yeux qui se lèvent. Je vois ce qui. Je réfléchis. J'ai en eu fait. Sa pensée tout de suite, ouais. Mohamed. Mais c'est un acteur qui est un peu clivant. C'est vrai qu'il y en a, il aime pas, mais bon, il a une filmo quand même assez conséquente. Quand même. C'est sûr. Pas, c'était quand même l'un des acteurs qui, au début de sa carrière, il était, c'était un peu le Stallone, tu vois, français. C'est-à-dire que c'était le mec qu'on voyait que dans les, que dans les films où il faut qu'il casse. C'est surtout qu'il a joué dans. Que je ne peux pas dire. Voilà, ça puis fait le film, de toute façon, le film le plus, on a vu connu avec lui, enfin, l'un des films les plus connus avec lui, a fait que, il... voilà. Ouais, que la presse, ou en tout cas les critiques, l'ont vu différemment. Ouais. Merci, Gauthier. Merci de ta discrétion. Non, alors, est-ce que tu es prêt, Gauthier? Parce que c'est toi qui commence tout le temps, hein, je tiens à te le dire. Hein, parce que... bah, non, c'est comme ça, c'est la vie. Non, parce que je suis aussi celui qui perd tout le temps, donc après tout. Non, c'est pas vrai. Alors là, à mon avis, je vais être. Est-ce qu'on est prêt? Il est 18h44, les gens. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, bah, les visiteurs. D'accord. Les visiteurs 2. D'accord. Le Grand Bleu. Oui. Voilà, bah, merci les visiteurs, mais non, mais les visiteurs en Amérique, oui. Du coup, ça marche. Léon. Oui. Tu me l'as volé. Godzilla. Je l'accepte, mais il y avait un sous-titre, mais ça marche. Oh non, c'est Godzilla le film. Ouais, il y avait que. C'était pas Godzilla, Godzilla de Roland Emmerich. Si ouais, mais il y avait Godzilla. Ah, bah, pour moi, c'est Godzilla le film. Ouais. Il n'y a pas d'autre nom. Bah, moi, je pense que je vais être la joueuse à un titre chaque semaine. Voilà. D'accord. Non, mais je suis sûr que tu peux trouver. Est-ce que tu veux un indice? Allez. Ce qu'on a dit tous. On a dit tous un épisode, alors qu'il y en a encore un. Qui est sorti récemment. Bah, les visiteurs 3, mais. Ah, mais c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Allez, c'était les visiteurs, la révolution. Allez, j'accepte. Si, j'en avais un, alors toi, t'as dit Godzilla. Wasabi. Oui, monsieur. L'Immortel. Oui, monsieur. De Richard Berry. Oui, monsieur. Le Roi Lion. Mmh. Il me semble qu'il double Mufasa. Ah, je check. Non, alors là, non. Je suis désolée. Attendez, mais non, attendez, Mufasa, c'est pas lui. Attendez, parce que. De toute façon, le doubleur, il est mort il y a pas longtemps. Eh ben, je n'ai. Non. Non, non, non. Ah, mince. Alors, attends. Ça, c'est pas dans ma liste, en tout cas. Non, mais c'est pas lui. C'était Godzilla. Ah oui, c'était Godzilla. Bah, autant, oui, pour moi, autant pour moi. Dans mémoire, il y avait un sous-titre. Il a joué dans un film. Ouais, non, je peux pas te donner d'indice parce que c'est trop facile. Avec Gérard Depardieu. Alors attends. Gérard Depardieu. Tais-toi. Ah, bien joué. Camille. Bon, bah, deux titres du coup, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je suis vraiment nul à ce jeu. Je pense que ce que tu voulais dire, c'était Atlantide. Tout à l'heure. Ouais. Je sais pas. Atlantide, il fait la voix du mec à la dynamite et tout là. Ok. Ah bon? Ah oui, ouais. Ça j'en suis sûr. C'est ça. Un doublage de voix. Hein, de... C'est pas attends, je check. Atlantide. Donc, je pense que l'Empire raison. Perdu, oui, la cité perdue. Sorti quand ça? 2000, je crois. Non, avant même. 80, quelque chose, 98 peut-être. T'es sûr de toi? Ouais. Atlantide. Allez, ouais. Je l'accepte. Si t'es sûr de toi, je checker après. On pourra quand même vérifier sur la page d'Atlantide et qui double Mufasa. Je vais regarder. Ouais. Allez, on continue. Donc, c'est à moi? Oui, c'est à toi, Gauthier. Mais comme il y a eu beaucoup de temps, t'as du temps. Alors, réfléchis. Mais je suis pas sûr du titre, le Jaguar. Oui, monsieur. Ah ouais. C'est ça. Alors, bravo. C'est bien ça. Bravo. N'oubliez pas qu'il y a une carrière internationale. Ouais. Je donne quand même un petit indice pour vous faire réfléchir sur votre offense. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent pour ça. Non, il n'y a pas Expendables. J'ai raison pour le Roi Lion. Eh bien, ton tour est passé. Oui. Oui, madame. Non, mais bah, du coup, il l'a dit. Mais... Oui, mais bah, moi, j'ai perdu déjà autour de moi. Ah bah, moi. Monsieur. Je crois que le film s'appelle comme ça, mais c'est l'enquête corse. Oui, monsieur. Gauthier. Gauthier, il y en a un très très connu. Ouais, mais... Ah, mais oui, si. Le méchant là, il joue le Mission Impossible. Oui, ah, oui, comment il a su ça? C'est devenu comme ça. T'as tes chouchous ou quoi? Non, là. Je plaisante. Allez, Mohamed. Non, il est pas dans Expendables, alors attends que je réfléchisse. Papa. Ah, je crois que je vais déclarer forfait, les gars. Non, bah donne un coup de main, j'ai donné un coup de pire, main. Donne un... Mais même si t'en as un et que t'es pas sûr, donne-le. Je check. J'ai regretté la semaine dernière. Ah ouais, mais après c'est difficile de donner. Ah oui, Atlantide. Alors juste quand même, je dis, Atlantide, il jouait Vincenzo. Oui, c'est le mec qui fait alors, tout péter. Est-ce qu'il est pas dans... En fait, il fait le français de base. Donc les films qui se passent en France. Da Vinci Code, il serait pas dedans par hasard? Bonne réponse. Yes. Très bonne réponse. Oh, la déduction, je n'ai pas vu le film. Je précise. Tommy, Tommy, indice musical. Ton nom, ton nom, ton nom. Le prince de Rome. Oui. Non. Allez, Gauthier, je donne plus d'indices à part pour Mohamed qui n'a pas eu d'indice. Merci. Ah, ça fait d'indice, non. La Panthère Rose 2. Oui, bonne réponse. Non. Mais oui, en plus c'est vrai. Ils ont fait un 2. Mohamed. Eh, je suis en train juste de voir, et je crois que Camille a la filmo aussi sur son téléphone, c'est gigantesque. Ouais. Mais j'ai jamais. Franchement, il y a une filmo. Bah, je crois que ça n'a jamais duré aussi longtemps là. Le ah temps. Ouais. Monsieur. Bon, il y a plein de trucs, mais ça va un peu dans. En fait, sa filmo va dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Il y a des choses, tu fais oulala, et puis il y a d'autres trucs, tu fais oh, c'est sympa. Je sais que Besson, il le kiffait beaucoup. Lui, ouais, c'est ça que j'entendais aussi. Ouais. Mais de toute façon, vous avez dit un titre de. On a dit Léon, on a dit Grand Bleu. Les Grands Bleus, ok. Ouais. Mmh. Oui, non. Alors, je vais te donner un indice, j'essaye de choper un truc. C'est difficile parce qu'on a c'est dit quand même. C'est vrai qu'il a joué dans beaucoup Un film de guerre. Mais pas vraiment de guerre. C'est-à-dire, oui, c'est de guerre, mais sur un événement en France très important qui a marqué les Français. On en a fait un film, un événement particulier, durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un casting français énorme. Pas énorme, pas énorme non plus, mais. C'est un film français ? Ouais. Il jouait un médecin, je me rappelle bien. C'est pas un film franco-algérien. Non. Je peux te dire aussi. Alors, je vais te donner celui-là. C'est deux films qui sont une suite, mais pas vraiment en fait. Où deux flics, ils vont dans un univers un peu glauque. Voilà. Et très connu. Et ça revient sur France 2 en série télé avec Olivier Marchal. Ouah, je sais pas du tout. Quand je l'ai, je peux. Je sais pas du tout. Par contre, il a pas joué Jean Valjean dans Les Misérables par hasard. Ah non, alors ça j'en suis sûr. Ah merde, non, ça j'en suis sûr. Bon bah je déclare forfait. Bon bah là on peut plus t'aider mon ami. Ouais. C'était Les Rivières Pourpres. Non, ah, Les Rivières Pourpres, bien sûr. Ça nous, on est... Je te jure, je l'avais. Attends, non, je te jure, je l'avais. Son indice était pour lui. Oh bah, mais il n'a pas eu le film. Ah bah. Donc, on pouvait quand même. Ouais, bah, allez, on lui donne. Mais de toute façon, Rivières Pourpres 1, Rivières Pourpres 2. Donc de toute façon, Tommy, ça revient à toi. En fait, en vrai, j'ai complètement oublié. Je pensais qu'on avait fini. Mais je sais pas. Bah ouais, Gauthier, il est là. Non, mais où ? Je suis toujours là, moi. Mais j'ai pas l'habitude que ça dure aussi longtemps. Je pense qu'il va gagner. Parce que, attends, je réfléchis. Bon, alors, attends. Il y en a plein d'autres de Luc Besson, en vrai. Pense aux États-Unis. C'est important de penser aux États-Unis parce qu'il des moments, pense au film où il passe une tête. Il y a pas d'indice, hein. Où il passe une tête, où on le voit deux minutes. Ah ouais, mais. Salut. Mais c'est un peu ça, en plus. Alors, j'ai dit. Voilà, il a fait quand même beaucoup de trucs. Et en film français, non, récemment, il a fait quand même des films. Voilà, il a récemment, un... moi je l'ai pas vu récemment. C'est des films, tu les vois passer vite fait sur l'affiche, mais tu retiens pas le nom, quoi. Non, mais est-ce qu'il a, parmi les films qui restent, qu'on a pas dit, est-ce qu'il reste encore des films français très connus ? Des gros trucs ou pas ? Des gros trucs. Il reste des trucs de Luc Besson, en tout cas. Il y a, ouais, exactement. Ouais, Luc Besson, il y en a un très connu de Luc Besson. J'en ai un. Il est pas dans Angela, lui ? Il y en a même deux. Il y en a deux de Luc Besson qui sont ses. Ouais, pour moi ce que j'ai dit ou. T'as dit quoi ? Non, je disais, ah non, ouais, moi j'ai cru. Deux de Luc Besson, les gens. Deux de Luc Besson, et après, voilà, après vous vous débrouillez. Donc, Arthur et Mignon, qu'on a cité la semaine dernière, je pense, de Luc Besson. Bah, Valérian ? Non. Non. Après, c'est tout. Après, c'est vous n'avez pas trouvé. Juste un dernier, Angela. Et ben, non, du coup. Non, non plus. Non. Est-ce que tu peux nous donner un titre ? Un ambiance dans la ville. Non plus. Je sais pas, moi, Cinquième élément ? Non plus. Non, c'était Subway. Et Nikita. Ouais. Oh, putain, Nikita, ouais, bah c'est deux films que j'ai oubliés. Alors, dans ce qu'on n'a pas dit, là, je joue dans Alex Cross. C'était un film américain qui est un peu passé comme ça. Dans Thérapie de couple avec Vince Vaughn. Je vois pas. Alors là, pas du tout. Il jouait le mec un peu coach. Bah, je crois qu'il restait que les trucs qu'on voyait pas. Hein. Mais sinon, on a, je vous dis félicitations parce qu'on a dit quand même les plus importants. Rona, on n'a pas dit. C'était avec. C'est ça que je cherchais. C'est pas avec De Niro, ça, de Rona ? Je vois pas non plus, c'est pas. Bruce Willis, je perso, il restait que les trucs que je vois pas. Mais sinon, vous avez tout dit, les gens. Moi, je vous dis bravo. Il y avait Décalage horaire avec Juliette Binoche. Voilà, si ça vous intéresse, comédie romantique. Mais sinon, je sais pas, Camille, est-ce que t'as des moi, je cherchais Hector et La Recherche du Bonheur. Le titre me venait pas, mais c'est un film français. Quelqu'un se rappelle de ça ou pas ? Je connais pas. L'Empire des Loups aussi. Ah si, oui, ça, je vois. Ouais. Souris City, il faisait une voix. Ah ouais, je me vois. Bon, d'accord, ça voilà. Fly Boys aussi, avec James Franco. Est-ce que vous vous souvenez ? Où il jouait un pilote. Ah non, absolument pas. Je vois pas c'est quoi. Ouais. Cash avec Jean Dujardin. Ah, je sais pas qui était dedans. Oui, parce que j'ai regardé le début du film, mais j'ai regardé le film. Oui, et c'était La Rafle, le film sur la Seconde Guerre mondiale. Sur ah voilà. Bah oui. Et sinon, récemment, il y avait Anti-Gang. Je sais pas si vous vous souvenez ou pas. Ah si, oui, en plus, je voulais le voir, mais j'ai pas été le voir, c'est vrai. Donc voilà, on a dit les plus importants. Il y avait comme un chef avec Michael Youn. Bon voilà, ma première. On a dit les plus importants. Ouais, je tiens à dire félicitations parce que vous avez été très bons et je vous dis bravo. Gauthier, tu as gagné. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que la semaine dernière. Est-ce que je peux juste m'excuser parce que effectivement il a doublé Mufasa et moi j'ai confondu avec Scar. Et c'est Jean-Piat qui a qui est effectivement mort il y a pas longtemps. Voilà. Ah, je fais le chiant. Oui. Mais t'avais dit que si par exemple il reste que deux personnes, celle d'avant ne trouve pas, celle d'après ça trouve pas non plus, c'est en gros que c'est cool. Là il est 18h54. Bon, tu veux vraiment et bah, enfin, on s'en fait un ça, qu'est-ce qu'il y a Battle Royale. C'est ça que je voulais. C'est bon. Et même allez, on fait tous ensemble. Allez, je joue avec vous. Allez, c'est bon. Bon, il faut quand même quelqu'un qui soit arbitre. Moi je veux bien parce que je suis nul. Comme tu as été éliminé, est-ce que ça te dérange pas? Ouais, bon, ça veut dire faut que tu choisis. Alors c'est vrai que souvent elle ne choisit pas les bonnes personnes, mais on l'aime beaucoup quand même. Tu sais quoi, Harry Potter, Daniel Radcliffe, c'est comme ça, j'ai même pas révisé. Mais allez, non, mais non, c'est bon. T'imagines déjà le temps qu'on va faire à faire tous les Harry Potter. Non. Sauf Harry Potter, interdit Harry Potter. Ça va durer deux ans alors. Ouais. Ah bah voilà, ouais, c'est vrai. Bah oui. Choisir. Enfin, je connais deux, je crois. Peut-être trois. Pareil. Oh là là, mais ouais. Bah Gérard Depardieu, Ah bah là, on a pour trois jours. On l'avait fait, Gérard Depardieu, en plus, je crois. Non, on l'a fait, je crois. On l'avait fait, on l'avait déjà fait. Ah dommage. Désolé, moi j'étais pas là. Ouais. Ah non, je t'ai pas non plus. Mais j'ai tué longtemps. Bah pour rester sur Harry Potter, on avait le droit à Harry Potter et Emma Watson. Ah non, j'ai rien du tout. Quelqu'un, je crois que j'en ai. À part Harry Potter, j'ai la BAB. Ok, on tente. Ouais, allez, on tente. Comme je suis patron, je commence. On enlève Harry Potter, sinon. Ou sinon. Non, on enlève Harry Potter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partie 1, 7, 7 partie 2, c'est à toi. Voilà, bah c'est pareil. Le cercle avec Tom Hanks. Putain, c'est celui que j'avais, merde. J'ai dit La Belle et la Bête. Ouais. C'était celui que j'avais. Voilà. Ben. J'en ai un. Finalement, ah ouais. Ouais. Je n'en ai pas, je déclare forfait. Elle fait des trucs. Ah oui, elle a fait des trucs quand même. Ouais. Ah ouais. C'est un indice ou pas? J'en ai un. Non. D'un côté, je ne peux pas tenir la route. Mon Mohamed est éliminé. Tommy, Tommy, on se dépêche. C'est pas 10 secondes. Arrête. 7. Vous avez dit des trucs. Arrête, ça vous stresse, fais pas ça. 32. Ça sert à rien. 10. Mais non. 9. 8. 7, 6, 4, 3, 2, 1, 6, 5. Ah non, il est pas chatouilleux, mais ça marche si, pas. Mais si, il y en a que tu connais. Il est pas chatouilleux. T'es chatouilleux? Non, il est pas chatouilleux. Arrête, c'est ta femme. Genre, t'as pas le droit de faire ça. 3, 2, 1. Mais il me stresse trop avec son chiffre. Je veux pas faire ça. Tu vas voir que je vais pas te lâcher. The Colony. À toi. Alors, c'est Colonia, mais bon. Petit con. Il a dit quoi? Noé. En plus, il a raison. Il est dedans, je savais même pas qu'il était dedans. Avec Russell Crowe, là. Ah, attendez. Par contre, c'est Colonia, c'est pas The Colony. Tu m'as pas fait chier pour un truc la semaine dernière, là? Godzilla. La semaine dernière. Attention, le Vidoc, il a pas voulu parce que c'était l'Empire, je sais pas quoi. Ah oui, non, bah non. Attends, Vidoc et l'Empire perdu ou je sais plus quoi. Ça n'a rien à voir. Bon, ouais, parce que là, tu t'es oublié avec Tommy. Emma Watson, attendez. Emma Watson, qui est une actrice très populaire. 10. 9. 8. Non mais 7, attendez, 7, attendez, 32. Attendez. Ah, tu vois, hein. Non mais vas-y, 5. 6. 3. 2. 1. Bah je n'ai pas, je n'ai Gauthier. Rien du tout. Bravo. Gauthier a gagné, bravo. Moi je dis, faut quand même que tu me donnes un titre pour gagner en fait, sinon ouais, ça marche. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Step, je déconne pas. Dans le film sextape. Hein, non, elle a fait une sextape. Ouais, c'est un film. Bah, c'est bon, elle a fait une sextape. Non, j'en sais rien. Je sais qu'elle a fait un film il y a pas longtemps, là, un peu style futuriste. Mais je sais plus. Ça m'aurait étonné d'Emma Watson, la sextape. C'était le cercle. C'était le cercle. Non, c'était celui-là ou un truc un peu futuriste ou. Bon, Camille, il faut que tu nous éclaires l'esprit. Oui. Alors, parce que nous, elle a fait Le Monde de Charlie. Ah oui. The Bling Ring de Sofia Coppola. Ouais, ça oui. C'est la fin avec cette rogène. Bon, ça, je me souviens plus. Ok. Ouais. Régression. Film très drôle. Régression, qui est un bon film qui fait un petit peu peur. D'accord. Enfin, moi, je vous le conseille. Et oui, voilà, c'est tout. Elle arrive dans Les Quatre Filles du Docteur March. D'accord. Il y avait quand même deux titres que je connaissais, Le Monde de Charlie et Bling Ring. Mais alors ça, elle a aussi fait La Légende de Despero. Elle a fait la voix de la princesse au Petit Prince. Alors, je suis désolé, j'aime bien Emma Watson, je connais pas grand chose d'elle, je ne me rends pas compte. Ouais, tu la trouves juste belle, quoi. Bah après, c'est vrai qu'elle a été pendant des années, elle a été Hermione, quoi, de Harry Potter. Ça prend du temps. Les amis, il est quelle heure? Il est 18h58. Je check mon téléphone pour voir si nous avons le box-office. Oui. D'accord. Ah, ça a été mis à l'heure, ça? Oui, ça a été mis à l'heure. Sans souci, tu sais. Par notre cher, alors je tiens à remercier Arthur, qui travaille dans cette web radio depuis maintenant plus de 4 ans, qui nous a remonté les micros, qui nous a remonté l'horloge aussi, et je lui dis merci pour son, tout son travail, parce que là, je, voilà, j'ai envie de dire, la table est beaucoup plus jolie avec tous ses micros. Arthur, c'est vrai que merci. C'était, merci. Alors, tu dis, il bosse dans la web radio, mais c'est pas le chef de la web radio. Concrètement, tu sais, c'est des histoires, ça, c'est des histoires d'argent, ça, on n'en parle pas. Faut pas dire. Non, je plaisante. Alors, le box-office, les gens, je l'ai pas encore, mais donc on va commencer par le box-office mondial. Américain. Américain, oui, ça a changé. Non, non, ça a toujours été américain. Après, j'ai les recettes mondiales aussi, si tu veux. Mais... Attendez, je n'ai rien compris à cette chronique. Depuis 3 semaines, je pense que les chiffres sont internationaux. Mais là, je me dis que c'est américain. Parce que je donne le budget, le domestique, oui. En Amérique, et le worldwide. Le domestique. Oui, parce que c'est sur le site, ça s'appelle domestique. Non, ok, ça marche. Tu fais les deux, tu fais les deux. Bah vas-y, oui. on voit la sauce. Donc, du coup, bah, alors, en numéro 1, on a Fantastic Beast. Les animaux fantastiques. Tu sais, tu peux le dire en français, tu l'appelles pas. Oui, oui, bon, c'est surtout que les autres, je les ai mis en français. Parce qu'on voit ton accent. Sois gentil. Il a raison. Budget 200 millions, 200 millions de dollars. Donc aux États-Unis, il a rapporté 67 millions pour l'instant et à travers le monde 258. Donc il est déjà rentable. Ouais. Énorme. En deuxième, on a le Grinch. Je t'avais dit qu'il marcherait mieux que le premier. Budget 75 millions domestiques, donc aux États-Unis 131 millions déjà, pas mal pour le Grinch. Bah, il était premier la semaine. Et à travers le monde 156 millions. Ouais. Donc on voit que pour l'instant c'est surtout les États-Unis qui jouent. En troisième, on a Bohemian Rhapsody. Donc avec un budget de 52 millions aux États-Unis, il a déjà rapporté 130 millions, donc c'est pas mal. Et à travers le monde 387. Donc, pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. En quatrième, on a Apprenti Parent, donc c'est avec Mark Wahlberg. Comédie. C'est une petite comédie, okay. Ouais, avec un budget de 48 millions. Alors, il est sorti qu'aux États-Unis et pourtant, il n'a rapporté que 13 millions. Petite parenthèse, bon, il est 4e. Mark Wahlberg aussi, il fait des films un peu aléatoires, lui aussi. Hein. Vous saviez que c'était un rappeur avant. De base, ouais. Et puis même dans un gang. Ouais, il était dans un gang. Ça, ah oui, je crois oui, qu'il est même allé en prison. C'est vrai. Trop drôle. Et il a un tatouage Donald Duck sur sa jambe. Mais je suis désolé, là faire un biopic, ça pourrait être intéressant de faire un truc sur lui, quand même, je trouve. Il fait beaucoup de films, mais c'est Robin pas... Williams, je dirais oui. Ah oui, ça oui. Alors là, bien sûr, je dirais mais oui. Mais ça me gênerait, parce que, bon, plus tard oui, mais pas maintenant, je veux dire, c'est non, trop oui, récent. Plus tard, oui, bien sûr. Plus tard. Bien sûr, oui. Un film sur Charles Chaplin, ça serait déjà pas mal. Oui, mais c'est vrai. Ça existe. Ça existe. Avec Robert Downey Jr., monsieur. Oui, mais il est pas non plus. Il est pas populaire, mais bon, quand même. C'est vrai que c'est vrai. Ils en ont déjà fait deux sur Yves Saint Laurent. Il y a pas longtemps, ils en font un sur Laurel Hardy et personne n'en parle. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est très discret. Et ouais. Donc, je termine avec Les Veuves. Donc, c'est une comédie avec Colin Farrell. Ouais. 42 millions pour le budget, 13 millions aux USA et 20 millions à travers le monde. Donc, c'est pas non plus le gros carton. Ça marche pas, quoi, autant qu'on se dise. Mais ça va. C'est un petit film d'action, quoi. Il a l'air pas mal. Faut voir où ça en va. Ça va peut-être dépasser le budget. Il sort là, non, mercredi. Ouais. Il a l'envie. Je suis mitigé, mais c'est trop de concurrence. Là. C'est juste ça. Mais moi, les films vont sortir déjà. À chaque mercredi, il va y avoir toujours une petite grosse sortie. Ouais, mais bon, moi, j'aime beaucoup Steve McQueen en plus. Mais bon, ce film-là, je sais pas pourquoi. J'ai envie de poser la question pourquoi. Moi, j'irai voir. Bon, allez, allons-y. C'est terminé. Bah, merci beaucoup, monsieur. Fini, ouais. Et bah, on passe des États-Unis, des States, comme on dit, à la France, à la petite France, à notre petite. Beau petit pays. Donc vous êtes prêts pour le box-office en tête avec 1 649 000. Les animaux fantastiques. Les crimes de Grindelwald. Logique. Le titre le plus long de l'histoire du cinéma. La mauvaise voix du mec. Et en deuxième position, on en parlera tout à l'heure. Il y a un gros débat sur quand même les animaux fantastiques 2. J'ai souffert. Vous avez aimé. Nous en parlons. On va en parler. En deuxième position, c'est et je suis moldu, content, les gars. Parce que je l'ai vu, et comme on en avait déjà parlé, je vais en parler rapidement, de Bohemian Rhapsody. Oui. Ils auraient pu appeler ça Queen, c'était pareil. Oui, totalement. Avec un cumul de 2 289 000. C'est un carton quand même, on peut dire quand même en France. C'est clair. Le film, je l'ai vu, on prend un plaisir à le voir. Oui. J'ai quelques réserves, merci beaucoup monsieur, sur la ressemblance physique, mais en même temps c'est fait exprès. Gestuel, il a tout. Ouais, tout gestuel, tout, la façon de parler, tout ça, tout fonctionne. Mais à part ça, franchement, le film est très plaisant, très classique aussi dans sa mécanique. Ouais, c'est ça qui est cool. Mais on apprend surtout à comment y penser, comment la sensibilité en fait de la personne. Et c'est vrai qu'on met un peu de côté tout ce qui est un peu drogue, alcool, fiesta, violence, tout ça. Pourquoi pas, c'est un point de vue, et puis peut-être aussi que c'était comme ça, peut-être qu'il n'était pas non plus, il était assez privé quand même. Hein, Exactement, et puis non, vraiment des très belles séquences, et puis ça fait du bien d'écouter aussi, je disais, Queen dans une salle de cinéma, enfermée, à fond. Hein, parce que maintenant on peut plus rien. Voilà. Ça tu mets à fond, t'as ton voisin qui va taper sur ton mur. Mais là, ça fait vraiment plaisir, quoi, tous ensemble. Donc vraiment super génial. Et vraiment à conseiller. Troisième position, Le Grand Bain, toujours en pente, pente maximum, là, parce qu'avec 3 535 000. C'est un gros carton. Ouais. C'est gros carton. C'est clair. 3 millions, les gens. Ça va sûrement atteindre les 5 millions. Hein, en plus, faut savoir. Ah, peut-être pas quand même. Je sais plus si c'est pour les Césars. Si, je crois que c'est pour les Césars. Ah, maintenant, ils décernent le César du film qui a fait le plus d'entrées. Ouais. Ah ouais. Bah c'est, ça, moi c'est grand, grand bain, là, il est bien parti. Hein. Ah bah oui, bah 5 c'est possible. 5 millions, c'est énorme hein, s'il arrive à 5 millions. Ah bah c'est grand bain, c'est sûr, je pense. Hein. Quatrième, Un Homme Pressé avec Fabrice Lucchini avec un cumul de 469 000. Je suis allé voir, j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Cinquième position, ton film préféré, Tommy, Le Jeu avec un cumul d'un 454 000. Qu'on brûle ce film, s'il vous plaît. Il est déjà sur les plateformes de streaming. C'est vrai, ah bon ouais, alors qu'il est encore au cinéma. Je suis tombé dessus, ouais, je l'ai pas regardé, mais je suis tombé dessus. Ne le regarde pas. Bon, ok. Oui, je sais, bah, j'ai eu la mise en garde. Regarde-le, mais fais autre chose à côté. Quoi. Les amis, en 6ème position, Les Chatouilles avec 123 000. Celui-là, ensuite, En Liberté avec 607 000. Millennium avec 96 000, une catastrophe. Je suis désolé, c'est déjà la troisième meuf qui fait Millennium, donc ils veulent faire un deuxième. Non, c'est compliqué parce que ça, c'est un compliqué. Film qui avait déjà commencé. Je crois qu'il y a même un téléfilm, parce que je crois qu'il y a un téléfilm. Oui, il y avait même avant, et les remakes, reboot, on sait pas trop de David Fincher. Millennium, c'est quand même une franchise qui est très fragile. Ah, moi, déjà, je préfère personnellement, je préfère celui avec Naomi Rapace. Quatrième épisode, 96 000. Mais moi, je préfère celui-là avec la boîte. Moi, c'était les trois avec Naomi Rapace, j'avais kiffé, elle était bien dans le rôle. Lisbeth a été très bien, Naomi Rapace. Pas qu'on en refasse parce que c'est une marque qui marche plus du tout. Et quand, surtout quand ils ont fait un avec Daniel Craig là, où je... pourquoi? Mais tu vois encore celui-là pour les critiques, mal, en tout cas pour les cinéphiles, c'est celui, c'est le mieux, tu vois, c'est le meilleur. Et encore, il a quand même beaucoup de défauts, tu vois. Mais je comprends pas, Millennium, c'est vraiment une marque qui marche pas. Celui avec Daniel Craig, c'est celui qui est le plus proche du livre. Et d'autant plus, c'est qu'en plus les blockbusters sombres comme ça, qui racontent une histoire sombre, ça marche pas ces dernières années. Les livres sont pas finis, l'histoire n'est pas finie. Ouais, en d'accord. Plus. Ouais. Enfin, c'est, je crois que l'auteur est mort, et quelqu'un d'autre a repris. Ouais, j'avais vu ça. Ouais. Sinon, dans ce qui n'a pas trop marché, il y en a deux que j'ai envie de citer. Saltan à l'hôtel El Royal. On disait en privé qu'il y avait une promo pas bonne. En fait. C'est dommage. Ouais, moi, au cinéma d'Aéroville, là, le cinéma de Luc Besson, il était même pas. Il ne le diffuse même pas. Là, on est à 119 000. Hein. C'est un plantage. Hein, quand il même. Est super bien, même niveau réalisation. Ouais. Tout, ah, mais en même temps, si toutes les, même les grands cinémas ne le diffusent pas, on est. Je suis d'accord avec toi. Alors, le gros plantage, c'est Suspiria, le remake du film d'Argento, de Luca. Alors, j'ai plus son nom, mais c'est celui qui avait réalisé Call Me By Your Name. Donc, il avait fait ce remake, Suspiria. 22 000, une catastrophe. Très peu de cinéma aussi, mais 22 000. Moi, je vais parler de Suspiria, je vais un peu le défendre. C'est-à-dire que. On fait un remake, c'était comme The Thing. Ils avaient fait un remake en 2011 qui n'avait pas du tout marché, ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce qu'en fait, ces films, les originaux, sont devenus cultes, mais bien après leur sortie. Oui, ce qui fait qu'au cinéma, ça n'a pas marché. Et si Suspiria ou The Thing n'est pas marché au départ en salle, ça ne va pas marcher plus aujourd'hui. Surtout que quand on voit le thème que ça aborde et. Ça appelle pas tous les publics, c'est vraiment très. Il y a plusieurs choses, parce que déjà le réalisateur est un style plutôt film d'auteur entre guillemets, si je peux dire ça. Il y a aussi peu de promos, le film dure 2h35, le film est très sombre, ça parle aussi, tu rajoutes 30 minutes de pub, il faut que tu réserves 3 heures dans ta journée déjà, faut le dire. Après il y a un beau casting intéressant, la fille de 50 nuances degrés, Tilda Swinton. Merci beaucoup. Tu parles de Tilda Swinton. Non, elle joue aussi dedans. Comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, c'est qui jouait It Girl dans Kick-Ass. Elle, c'est une habituée des remakes. Chloé Grace Moretz. Elle, c'est une habituée des remakes de films d'horreur. Elle avait fait le remake du film Morse. C'était Laisse montrer. Elle avait fait Carrie au bal du diable. Elle revient pour Suspiria. C'est bizarre cette constance. Elle avait fait aussi le remake d'Amityville quand elle était toute petite. C'est vraiment une habituée, donc c'était peut-être seule valeur sûre du film, je pense. Parce qu'elle a un visage particulier aussi. Je dis pas qu'elle n'est pas belle, hein, mais elle a un visage. Tu vois, par exemple, comment c'est l'autre actrice, c'est Dakota Johnson. Ouais. Elle a un peu le regard de. Le visage de la fille, tu sais, qui est. Qui subit, celle qui doit subir, celle qui doit prendre. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on est dans les films comme ça, degrés, c'est trop. Elle m'a pas dans l'Hôtel Royal. Ça, ouais. Moi, je l'ai vu dans la présence du supérieur, on dirait une droguée. Quoi. Et ben, allez voir Hôtel Royal. Je veux bien, mais on le diffuse pas. Donc, Merci. Ça fait loin de chez moi, ça. Il est temps de passer. Je vais casser Jean-Baptiste. Un sujet. La baston. Difficile. Un film que nous sommes... On l'a tous vu ou pas? Oui, pardon, Kessia? Non, non, je parle à... Non, il y a un truc, je veux savoir, Gauthier. Je lui ai dit, t'as vu, il l'a pas fait sa pause. Ah non, 19h08, je crois qu'on est parti, là. On est parti pour aller jusqu'au bout. Et bon, j'ai envie de parler de Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. J'ai l'impression, mais vraiment, le titre est super long, je tiens à le dire quand même. Et je comprends même pas le titre dans le sens là, où... Là, c'est Les Crimes de Grindelwald et en... Petit, les animaux fantastiques. Oui, c'est ça. Non, mais déjà, voilà, ça commence mal. L'affiche donne envie, le casting donne envie. On rappelle qu'il y a Jude Law qui joue Dumbledore, il y a Johnny Depp qui joue Grindelwald. On retrouve Eddie Redmayne, qui est super bon. Oui. Celui qu'on a pu voir dans Danish Girl, exceptionnel, ou dans le film sur le physicien. Les histoires du temps. Merci beaucoup. Qui était un bon film aussi. Donc un super acteur, Les Misérables aussi, les comédies musicales, il est extraordinaire. Il a une filmo extraordinaire, je crois même qu'il a deux Oscars, non? Ou un ou deux Oscars, il avait été nominé pour déjà, donc déjà, c'est du lourd. Et pourquoi j'ai dit deux Oscars? Parce qu'il méritait le deuxième, c'est pour ça qu'il a dit ça. Parce que le deuxième c'était pour Danish Girl, alors qu'il méritait plus. Ouais, je trouve aussi, ouais. Moi je l'aurais donné à Bénédicte l'année où il a gagné en fait. Parce que Danish Girl, c'était, je crois que c'était le second rôle. C'était pas un rôle principal. Non. En fait, c'est Alicia Vikander qui a gagné l'Oscar du second rôle pour Danish Girl. Oui, bon. Et bah donc Danish Girl, c'est qui lui a pris son Oscar? C'est dingue qu'il n'ait pas gagné sur Danish Girl. C'est DiCaprio, non? Bah, oui, c'est DiCaprio. Ah, DiCaprio, pour The Ravenant. Alors qu'il méritait pour le Wood of Street. Voilà. Mais bon, c'est compliqué. Vous savez, c'est les Oscars. C'est Magouille et compagnie, tout ça. Oui, de toute façon. Le mec qui a envie de dénoncer, alors qu'il n'y a rien à dénoncer. Animaux Fantastiques 2, on est parti. Qui veut raconter le speech en 2-3 lignes? J'ai envie de me tourner vers ce côté droit qui a surkiffé le film. Camille, on est parti. Parce que je veux dire aux auditeurs qui ne voient pas l'émission que Camille a une écharpe Gryffondor. Attention, hein. C'est normal que tu n'aimes pas le film, c'est cette espèce de moldu. T'as pas aimé, mais sois pas insultant. Jérémy, c'est un moldu, voilà. Excusez-moi, je vais dire à nos auditeurs que voilà, c'est un moldu qui va descendre le film. Donc à partir de là, on peut rien faire. J'ai vu tous les épisodes, madame. C'était un module. Mais il n'a pas lu les livres. Connais-tu l'histoire, les livres? C'est un homme. C'est-tu que t'as pas de reggae? Voilà. C'est un moldu. Pardon. Oui, madame. Oui, donc le speech du film, ça se passe un an après le premier film, Les Animaux Fantastiques. 6 mois. Un an. Oh, on s'en fout, ça, c'est un bon moment. Tu vas arrêter de nous faire chier, toi. Je te le dis tout de suite. Donc, Grindelwald, qui a été arrêté aux États-Unis. Mais. Pardon. S'échappe. Et donc, Newt Scamander, Norbert Dragono, part à sa poursuite entre Londres et Paris. Voilà. C'est tout. Mais bon, bah oui, bon, vous avez compris pourquoi le film n'est pas bon. Mais non. Je plaisante. Non, donc, donne-toi pour rappeler... Non, mais parce que déjà, on dit que c'est une suite. Déjà, vous serez d'accord avec moi qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir vu le 1 pour regarder ce... Pas d'accord. Alors déjà, je suis pas d'accord sur deux points. Numéro 1, les titres. Si ce titre-là te choque, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ça doit te choquer aussi, je pense. Attendez. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Là où il y a de la qualité, j'ai une critique. La qualité, il me parle. Non. Et ensuite, c'était quoi, je t'ai dit ? Non, si tu vois pas le 1 et si tu n'es pas familier avec l'univers d'Harry Potter, t'es complètement paumé dedans. T'es complètement paumé. Ah ouais. Ah si, je pense. Totalement. Autant le. Si jamais Harry Potter, parce que t'as bien aimé la saga. Oui, bien sûr. Alors autant le 1, il peut se regarder comme ça. Mais le 2, non. Le 2, non, je suis d'accord. Tu captes rien du tout. Il y a trop de... Voilà, ouais. Trop de... Alors, trop de pas qu'il est mauvais, mais il y a trop de fanservice. Et comme je disais tout à l'heure, on peut appeler ce film Harry Potter fanservice, le film. T'as des name dropping tout le temps. C'est vrai. T'as plein de personnages. Ah, mais lui, c'est là, c'est McGonagall, c'est machin, c'est machin. Tant mieux ou pas, hein, ça dépend. Mais non, clairement, si tu mets un mec lambda comme ça, mais il capte rien du tout. Ouais. Le coup de projecteur sur l'école. Oui. Bah oui, avec le truc, plan c'est que... de haut et tout. Avec la musique le truc, c'est qu'après la sortie du 1, tout le monde a dit non, il est nul parce qu'il n'y a pas Poudlard. Mais les gens sont... Tous les gens qui ne sont pas vraiment fans, ils ont fait un scandale parce qu'on ne voyait pas Poudlard. Alors que moi, j'étais ravie de me balader dans l'univers d'Harry Potter sans Poudlard. On est d'accord. Je vous aime beaucoup, mais sans déconner, les effets spéciaux sont un peu pourraves. Quoi ? Non. Surtout quand on arrive sur Poudlard, ça, où voilà. Ils ont fait l'effet spéciaux. Je ne sais pas si tu connais ça, mais quand t'as pas envie trop de dépenser, donc tu fais un avec une profondeur de champ qui est coupé et tu mets du flou, tu sais, en mode hey, il y a quand même l'école, mais on montre à moitié quoi. Non, tu sens que Poudlard, ils n'ont pas autant travaillé que les autres décors du film, clairement. Oui, mais normal. Ouais. On l'a mis juste parce qu'on sait c'est quoi. Pourquoi je suis énervé? Parce qu'il y avait de la qualité avant et maintenant c'est devenu moins bon. Comme Star Wars avec les annexes. C'est, moi, pour moi, j'étais le même résultat. J'ai pas d'accord. Les annexes de Star Wars, Rogue One, machin, la même chose. C'était une annexe. Attends, moi je suis pas d'accord. J'ai rien. Ils ont... Il se passe rien dans ce film. Étaye ton propos. Comment ça, il se passe rien? Il ne se passe strictement rien. Il y a un twist. Parce qu'on ne peut pas raconter, on va pas twister. Oui. Mais les gens, s'il vous plaît. Le twist digne des Feux de l'amour, c'est pas possible. Il y a un double twist en plus. Parce que c'est pas un twist, c'est un double twist. On ne sait pas. Pourquoi? Bah tu dis le twist, mais qu'est-ce que tu sais de plus sur ce twist? Pour bien comprendre, pour bien l'apprécier, le twist, faut voir la suite. Bah oui. Non mais là où Jérémy a raison, il c'est se passe que rien. Les twists sont maladroits et le film, bien que je l'ai aimé, il est bancal. Il souffre de longueur, il est bancal. On est d'accord. Concrètement, s'ils avaient un peu plus étiré l'acte final où on apprend révélation sur révélation, il aurait gagné. Fallait pas étirer, fallait raccourcir. Non, fallait surtout raccourcir le milieu du film. Le prochain film. Raccourcir le milieu du film et étirer un peu le climax. C'est peut-être pour ça que t'as pas aimé. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vous explique. Moi, c'est vraiment d'un point de vue cinématographique. J'aime beaucoup cette saga et je pense que l'idée de faire les animaux fantastiques, c'est très bon. L'idée, alors, je tiens à dire, mais l'idée de mettre une marque animaux fantastiques sur ce film-là, je suis désolé, mais on voit quoi? On voit un animal fantastique? Non, on en voit. Faut que t'arrêtes. C'est le fil conducteur. Il y a des petites bestioles sympathiques, mais bon. Non, c'est pas le sujet. T'as un parallèle entre Newt Scamander et Grindelwald sur le rapport avec les animaux et dans leur animalité. T'as un parallèle entre ça, les animaux, c'est vraiment le fil rouge. Tu vois que très tôt dans le film, Grindelwald, tu vois ce qui fait un animal qui l'a aidé. Là où Newt agit différemment. Ah oui, tu sens, il y a quelque chose. Ça, ouais. Et même à la fin, il se passe un truc avec les animaux, enfin avec un animal, tu comprends. On peut même plus. Tu vois, ça m'a tellement marqué. Je dirai après, parce que je vais pas spoiler. Ah oui, oui, oui. S'il y a oui, ça, et un autre truc que j'ai bien aimé, moi, c'est au moment, c'est un des premiers, animaux qu'on voit avec Newt Scamander, on voit un gros, une espèce de gros dragon vert. Moi, je me suis dit, souvent dans les films, quand ils te mettent des gros trucs comme dans le film, il va servir quelque chose. Et là ils le mettent juste parce que. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Et il sert pas. Et moi, j'adore ça. C'est un truc qui est un truc que j'ai pas aimé au niveau des créatures. Et ça m'a fait le même effet dans Star Wars. C'était le 8, le dernier qui est sorti. Ouais. C'est-à-dire que quand on est dans un monde où on fait des créatures magiques, alors qu'il y a des créatures, des fois, qui ressemblent un peu à des vrais animaux, d'accord. Mais alors là, le chat, là, qui ressemble avec les gros yeux, là. Non, c'était bien. Ah non, c'est bien. J'aimais. Non, elle est bien, la direction artistique. C'est comme Star Wars 8, à la fin, quand ils te font les chiens de glace, ça ressemble trop. Tu sors des créatures dont t'as l'habitude de voir et tout. Oui, mais c'est des. Non, ça fait très existe dans le. Ben, c'est ça, mais c'est ça. Les créatures bizarre, tu vois, elles sont toujours un truc de différent. Dans l'encyclopédie, ouais. Dans l'encyclopédie, voilà. C'est ça aussi. Tous les animaux existent dans l'encyclopédie de J.K. Rowling. Et ils sont décrits comme ça. Ouais, mais dans ces cas-là, après, c'est vrai qu'il y a tout l'univers, mais il y a aussi l'univers cinématographique. Et l'univers cinématographique ne répond pas qu'aux fans de Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a aussi le visu. Et quand on nous habitue à voir des créatures vraiment un peu à part, qu'on arrive bien à différencier, alors mis à part les oiseaux, parce que les oiseaux, ça, peu importe dans quel. Dans quel contexte on les met, ça ressemblera toujours à un oiseau. Mais toutes les créatures un peu spéciales, ce qui était bien dans Harry Potter, c'est qu'au moins, on n'arrivait pas à les assimiler à autre chose. Les gobelins, des trucs comme ça. Là, tu vois ça, c'est un chat, c'est un miaou, c'est un. Voilà, ouais. C'est un mais qui passe. Ils existent, mais c'est ce que je te dis, c'est que toi, en tant que fan, tu connais, parce que vous connaissez l'univers Harry Potter, mais les films ne vont pas répondre qu'aux fans. Et d'un côté, dans le 3, l'hippogriffe, c'est un hippogriffe de base. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est à part les oiseaux, mais ça, pour tout l'univers, les oiseaux, c'est un serpent. Basilic, c'est un serpent. Enfin, je veux dire, il y a plein d'animaux déjà depuis super longtemps qui ressemblent à des animaux. Le seul truc où je suis pas basique, c'est vrai, la limite. Mais. C'est vrai, c'est le seul. C'est pas ce qui m'a choqué le plus. Moi, le seul truc où je fais le parallèle comme toi avec Star Wars. J'ai détesté. T'as détesté le film? J'ai détesté le chat. J'adore. On nous habitue à des créatures, mais même pendant tout le film, pendant tous les jours fantastiques, pendant tout le truc, tu vois des créatures un peu spéciaux, bien travaillées. Et là, en fait, on te met juste un chat avec des gros yeux. Bah moi, j'aime bien. Hein. T'as aimé le film? Mais le chat, par contre, il y a un truc. Attends, moi, je veux dire un truc. Sur rebondir, c'est ce qu'il a dit. Vous avez raison, c'est vrai. Pour les animaux, pour les animaux, moi, pour moi, celui-là. Qui sert à quoi? Il sert à vendre des peluches, c'est les bébés nifleurs. Ça, eux, ça va rien. On est d'accord. Attends, j'ai pensé à mais peut-être qu'elles vont servir plus tard. Parce qu'il y a quand même 5 films qui vont être faits. Et voilà tout, aussi, donc, c'est vrai. Putain, tu vois, j'étais pas au courant, mais ça m'étonne même pas. Comme Harry Potter, moi qui suis une fan de Harry Potter depuis que j'ai 7 ans, ça a toujours été comme ça l'univers d'Harry Potter dans les films, et dans les livres surtout, à la base. L'univers est super étendu et il y a tellement plus de personnages que ce qu'on pense. Et même sur le site Pottermore, elle a toujours. Expliquer l'histoire de tous les personnages et on peut avoir leur histoire du début jusqu'à la fin de tous les personnages, mais même celui qui est en arrière-plan ou dont on parle une fois. Et donc Norbert Dragono, son histoire, elle est déjà écrite depuis 15 ans. On sait avec qui va se marier et tout. Pour rebondir sur ce que dit Camille, c'est très intéressant sur le fait qu'il y ait 5 films. Et comme je le disais tout à l'heure, au début du film, il y a écrit Wizarding World, si je ne me trompe pas. En gros, ils veulent faire un MCU Harry Potter. C'est le nom concrètement. Je dis pas que c'est bon ou mauvais. Je le constate juste. À mon avis, ils vont faire l'histoire de Newt, puis ils vont faire d'autres histoires. Et il y aura toujours la mention Wizarding World. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on voudrait, moi et Camille, vraiment après Newt, ce qu'on voudrait, nous, c'est les maraudeurs. Donc Sirius, Lupin, tout ça. Alors, écoute, un film sur eux, ça serait waouh. Il y a un court métrage sur YouTube, Les Maraudeurs et Snape. Ouais. Vous l'avez vu, et Rogue ? Il y a longtemps, Je vous conseille à tous de le regarder. Donc, même ceux qui nous écoutent, vous tapez sur YouTube Les Maraudeurs et Rogue pour les fans d'Harry Potter. C'est un bijou. Mais ça en film. Et franchement, en fait, pour revenir sur ce que tu dis, comme dans le 3. Quand on lui donne la carte des maraudeurs, on voit Newt Scamander sur la carte. Il y a un moment où on le voit. Et je pense qu'il pourrait tout à fait faire le parallèle entre Newt Scamander et les maraudeurs à la fin du 5. C'est comme je dis, là, vous parlez d'un univers qui est tellement déjà fondé. Et c'est ce qui s'est passé avec les Animaux Fantastiques, c'est que quand t'es un téléspectateur qui ne connaît pas forcément tout l'univers, t'es perdu. Moi, bah non, je suis pas d'accord. Non, ils ont réussi à le rendre pour toi. Non, moi, perso, j'ai été devant le film. C'était bourré d'infos. Je peux comprendre. On balançait des informations à une vitesse pas possible. Alors le film, moi je l'ai bien aimé, une scène d'introduction incroyable. Non, alors je suis pas d'accord encore. Truc. Incroyable. Et on comprend rien. Je comprends rien, la scène ça va trop vite. Merci. La scène c'est quoi? C'est Grindelwald, il y a pas de cause. De quelle scène vous parlez? La scène du début, Grindelwald. C'est Grindelwald qui ça, on voit rien. Un peu trop de shaky cam. Trop sombre, ça bouge de tous les sens. Moi j'ai rien compris. Non, moi je comprends, c'est l'une des scènes que j'ai préférées. Petit coup de cœur. Mais je l'aime bien depuis longtemps et puis vous savez, voilà, je veux dire. J'ai toujours un petit coup de cœur pour les actrices. Zoé Kravitz. Oh là là. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que elle est vide. Oh, non. Elle est extraordinaire. Rien. Dès qu'elle arrive, en plus, il y a ce plan magnifique, gros zoom sur le visage, moi, avec un champ contre champ avec Newt. D'accord. Fabuleux. Les gros plans, on n'a pas aimé. Les gros plans, j'ai bien aimé, moi. C'est la vision de Newt, tu vois. C'est pas mal et tu remarques qu'il peut pas te souvenir le regard de quelqu'un dans les yeux, il est un peu, enfin j'ai bien aimé. Mais pourquoi on le fait un gros plan comme ça sur lui alors? Ça change un petit peu psychologique à la personne, tu vois. Écoute, pour une fois qu'on a une intention d'auteur dans cette Merci monsieur. Parce qu'en parlant d'auteur là, il faut réécrire parce que le scénario est une catastrophe. Il ne se passe rien, il dure 2h20. Il souffre de problèmes. Non, le scénario est bon, mais il souffre de problèmes de rythme. Donc, vraiment. Attendez. C'est faux. Les pseudo. Mais tu racontes d'abord toi. Les pseudo. Tu es en train d'imiter quelqu'un, non? Oui. Ouais. Les pseudo dialogues de romantisme à deux balles. Non, à deux non, ils sont bien. Non, ça, ça a toujours été comme ça dans Harry Potter. Pas du tout. Non, c'était adolescent et adolescent. Là, c'est pas adulte. Tu vas me dire, c'est pas subtil entre Newt et Tina Goldstein? Mais absolument pas. Non. Après, t'es fou. Depuis le premier, déjà, il s'est rien passé dans le premier. Mais c'est parce que tu m'as cédé pieds. Mais c'est les feux de l'amour. Pas du tout. C'est les faux d'amour. Mais c'est toi qui fais. T'as vu un bisou? Il y a même pas de bisou. L'histoire entre le trois séquences pour dire ah mais comment je vais l'aborder machin. Mais je sais pas. Moi je trouve ça marrant. Ça marche pas. C'est intéressant dans le premier épisode. J'avais des doutes. Et c'est là que j'ai aimé le côté romantique. C'est que la fin, il y a ce suspense tout d'un coup qu'on n'y attend pas parce qu'on a compris qu'il s'aimait bien. Mais il y a ce suspense et on sent l'émotion dans le 1 à la fin où il a envie de la revoir, où ils ont envie de se revoir, où il y a un truc, il y a un lien qui s'est créé et là on le ressent, c'est intense. Moi perso je l'ai retrouvé ça. Là c'est platonique. Au début du film, elle est très froide parce qu'elle croit le quiproquo machin, mais quand il s'explique, ça c'était nul. Quand il dit n'importe quoi, de trucs people machin. Non, les yeux, c'est dans les années 20. Mais oui, voilà. On va le brûler dans les journées. Mais le scénario il faut. Ça fonctionne pas. Je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire les personnages du 1, la manière dont ils étaient réintroduits, ça a été fait de manière un peu facile. Ça a été la facilité. Ce qui est facile, c'est Jacob. En mode ah ben non en fait ça marche pas trop sur moi, j'ai rien oublié. Mais lui je me demande si en faisant là j'ai été un peu déçu. Non. J'aurais vraiment une vraie explication. C'est vraiment aussi ça. L'évanouissement. Non mais alors là pour ceux qui ont vu le film, le pire évanouissement de l'histoire du cinéma. Tu parles du c'était comme pour Batman Dark Knight Rises. Mario Cotillard meurt. Ça m'a donné le même évanouissement. Animaux Fantastiques 2, mon ami, si t'as vu le film, il y a un mec qui se met des trucs dans les yeux et 2 minutes après il s'évanouit. Oui, d'accord, c'est très gênant. J'étais pas un petit peu effectivement. C'est gênant total. C'est un petit peu ce film est mauvais. Johnny Depp, je suis en amour de Johnny Depp, mais là récemment il fait pas des bons films, ça fonctionne pas, et son personnage il n'a aucun intérêt et sa personnalité ne marche pas avec le personnage. Il est crédible, mais il n'a pas donné beaucoup de place dans le film. Le film s'appelle Grindelwald. On le voit, allez quoi, 20 minutes. Bah, non, mais ça, tu veux parler de. Il y a plein de films comme ça. Il y a eu Godzilla, il y a pas longtemps, c'est la même chose. Ouais, là, non, mais en plus, avec les pseudo-scènes de je suis désolé, Godzilla, on le voit encore moins. Il fait chier. Et il est quand même gros, normalement, c'est censé voir. Pour appuyer Jérémy, c'est vrai que ça aurait été pas mal s'ils avaient mis en avant Grindelwald comme dans Avenger. Merde, le méchant, son nom s'échappe. Voilà, comme on a mis en avant Thanos, ça aurait été pas mal. Après, on va pas pleurer, sachant que par exemple, dans Harry Potter, Voldemort, il a vraiment pris sa marque de manière. Donc on moi va j'ai pas ressenti plus aussi, c'est un peu aussi. De temps. C'est personnellement du temps pour moi cet épisode j'avais l'impression qu'on était en train de préparer le 3. À la différence de l'Elebrich, voilà, à un moment donné, ça, on ouvre la porte. Bah non, bah tu vois, justement, je suis assez d'accord. Il y a un côté où le 1 nous a servi ça pour découvrir quel univers on va découvrir. C'est-à-dire qu'on a eu Harry Potter. Oui. Là, on a la présentation, il part parce que dans le 1, c'est la quête où il récupère les Anneaux Fantastiques. Donc déjà, on voit bien qui est le personnage, tout ça. Et le 2, finalement, le 2 a servi à rien. Non, c'est pas vrai. À donner des infos de tout ce qui va suivre dans la saga. Non. Déjà, le 1 se suffit à lui-même, c'est vrai. Tu peux le voir sans t'attendre à une suite. Oui. Ça, c'est vrai. Mais le 2 ne sert pas à rien. Le 2 s'inscrit dans une saga, on le comprend, mais ça raconte quelque chose. Il reprend pas sa quête du 1, il débute une nouvelle quête, il faut aller chercher Grindelwald, et voilà, c'est... Moi, je redis les seuls points que j'aime. Attendez, le pseudo-motif de la fin, là, avec le discours. C'est tellement facile que j'ai dit non, mais il n'y a pas de subtilité dans ce film. Bah oui, mais c'est un mec des années 20. Mais je suis dans la scène. Mais j'ai même pas. Concrètement, Grindelwald, c'est génial. Je n'y crois pas du tout. Mais on n'y croit pas du tout avec le personnage. On sent que le mec est beaucoup plus sombre que ça. Et on monte une partie comme. Ouais, mais si dès le deuxième film, on commence à faire un truc style Voldemort, c'est-à-dire qu'à partir du 4 ou à chaque fin du film, c'est la fighting contre le héros et puis que finalement on arrive le 7. Non, mais d'accord, mais c'est pour ça que cette scène est très bien. Il arrive, il fait son discours. Moi, j'aime bien son discours. C'est le début, c'est vraiment le début. C'est censé être le premier mage noir, c'est le début, c'est le mec qui rassemble. Je trouve que c'est le début de l'histoire. Pour moi, ça aurait pu être le 1, tu vois. Pour moi, les dialogues sont pas au niveau. Oui, Camille. Par contre, Jude Law, moi, je souligne sa prestation parce que on voit Dumbledore. On est d'accord. Je suis d'accord. Mais Jude Law, j'aime beaucoup cet acteur. Il a réussi à avoir les mimiques de l'acteur. Franchement, on voit Dumbledore jeune, quoi. On aimerait le voir plus, même, mais on est d'accord. 10 minutes. Bah oui, mais bon. Mais quand même, 10 minutes. La prestation est convaincante. Pour l'instant, encore une fois. Et pour le discours, concrètement, tu fais juste le parallèle avec le nazisme. C'est ça que raconte le film. Clairement. Bah oui, clairement. Mais de toute façon, ça a toujours été son histoire. Compris, mais je te dis, il n'y a aucune subtilité. Mais j'ai trouvé ça. Manière dont c'est présenté, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vois le basculement chez la blonde qu'avec le. Ouais, grave, on s'y attendait pas. L'évolution du personnage. C'est ça. C'est la meuf toute. C'est carrément un bisounours. C'est carrément un bisounours. Ça te montre. Je crois qu'il y a un problème. Non, ça te montre que le populisme, le fascisme, ce que tu veux, ça peut atteindre n'importe qui. Vous êtes malade. Le twist de la blonde. Alors vous êtes malade. Elle est dans son canapé, il arrive. Hop. Oh, t'es méchante. La blonde, ça montre juste que l'homme ou la femme lambda peut être atteint par un discours de radicalisation. Voilà. C'est ça. Du moment où tu sais le prendre, elle, du coup, c'est quoi son leitmotiv, c'est l'amour. Et elle est prise par ça. Et donc n'importe qui peut tomber dans l'extrémisme. C'est l'amour alors qu'elle abandonne son mec. Bah oui, t'as pas compris. Depuis quand l'amour ça rend cohérent? Parce que à la limite, non mais d'accord. Mais je suis désolé, oui, elle l'abandonne, elle a bien une raison et c'est bien, elle l'abandonne pour mieux le retrouver. C'est mal amené. J'avoue. Désolé, on a spoilé. Ouais, c'est pas grave, mais il y a pas le pire. Pour revenir avec cette scène là, bon, encore le fait est qu'elle parte avec lui, bon d'accord, on peut l'accepter. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y avait énormément de gens pendant cette scène là. Il y avait énormément de monde. Oui, voilà. Et donc il s'adressait à énormément de monde. Pourquoi à la fin elle se retrouve seule avec lui? À quel moment je le spoilerai pas, il le fait spécialement pour un truc. Il s'en fout un peu de tout le monde que tu dis là. Hein. Oui, oui, mais pourquoi elle revient plus que quelqu'un d'autre? C'est-à-dire pourquoi elle est là à la fin? Parce que c'est un des personnages secondaires. Voilà, donc c'est encore une facilité scénaristique. C'est pourquoi la mettre avec le méchant, elle, plus que quelqu'un d'autre qui était dans la salle. Parce que, mais elle a aucun lien direct avec lui. Elle a quand même des compétences. Sa sœur, c'est une aurore. Elle est, tu vas me donner le nom, que Rogue aussi, elle peut dire mais à quel moment ils l'introduisent ça? Dans le 1, et puis là on le voit. Mais à quel moment on voit l'intérêt que lui, c'est-à-dire on voit les lieux? Mais ce que je voulais expliquer, c'est qu'on voit juste la scène où ils sont ensemble. On voit pas la scène où elle le rejoint, on comprend pas pourquoi elle, plus que quelqu'un d'autre dans la salle, a été le rejoindre. Non, mais les autres sont déjà acquis. Les autres sont déjà acquis à sa cause. Mais non, mais t'as oublié qu'elle était un peu kidnappée, entre guillemets. Oui, elle s'est laissée aller. Elle est allée volontairement. Oui, c'est ça, justement, parce que c'est un peu une bisounours, une tout gentille. C'est pour ça que c'est. Finalement, là, il a pas. Pourquoi elle est seule avec lui et qu'il n'y a personne d'autre à la fin? En plus, le coup, alors, si je me rappelle, c'est le coup du parapluie. Elle va chercher son parapluie. Et quand dans le film, on nous. Mais on le sait. Bah non, moi on le sait dans le premier, t'as vu le premier? Bah oui, mais non, mais pourquoi? Parce que ouais, on sait pas ce qu'il y a les autres, il y a plein de monde à cette scène-là. Attends, t'as pas vu le premier? Je tiens à dire un truc. Ah, ok. J'irai quand même voir le 3. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Au contraire, je trouve que c'est bien qu'ils aient pas besoin de le redire. Attendez. Pour moi, si quand on fait des trucs comme ça où on redit, eh, ce personnage est là parce qu'il fait ça, c'est complètement Dora l'exploratrice. Moi j'aime bien le fait qu'on le dise. Ouais, pas. Moi je comprends pourquoi complètement elle est là. D'accord, je suis d'accord. Oui, j'aime bien qu'on nous montre et qu'on nous dise pas. Petit tour de table. Vous avez préféré le 1 mais ou le 2 quoi, rien. Bah, genre. Hein, vous avez préféré le 1 ou le 2? Le 1, bien sûr. Bah, le 1, c'est beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé le 2. Pas la même chose. Pour moi, le 2, moi j'ai préféré le 2, totalement. Pour moi, le 2, il donne beaucoup plus de potentiel à la suite que le 1. Là aussi, ils ont assumé des trucs. Moi, les disons enfants, que dans le 2, il y a beaucoup plus d'incohérences, je trouve, par rapport à l'univers. C'est vrai, en mode les polynectars qui apparaissent. Enfin, genre, tout le monde a une bouteille de polynectar dans sa poche, alors qu'on sait que c'est compliqué à faire. Il y a plein de sortilèges, genre les Avada Kedavra. On dirait que c'est le nouveau sort à la mode. Allez, on tue tout le monde. Ça, c'est les codes. Avada Kedavra, il me semble qu'il n'est pas dit forcément. Le sort de mort, il est utilisé. Genre 20 fois. Malheureusement, ça appartient au code des films comme ça. C'est qu'on est obligé de faire des clins d'œil aux sagas. Parce que c'est. Après, personnellement, j'ai pas trouvé d'incohérence aussi grosse que dans le 1, le coup de la pluie. Non, il n'y a pas d'incohérence. Et par exemple, l'état Lestrange, pour moi, c'est le personnage. Et on va vous rappeler le nom de famille Lestrange, mais on n'en a jamais entendu parler avant. Et elle ne sert à rien. Donc, je suis désolée, Jérémy, mais. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais j'aime beaucoup l'actrice. On sait d'avance que son frère est marié à elle. Enfin, même avant le film, attends, on le savait. Attends, mais les amis, qu'ils vont la faire apparaître. Tu vois, on sait qu'elle était proche de Newt. Oui, c'est ça, mais moi, pour moi, ils auraient pu l'appeler, je sais pas, Newt, tu vois. Enfin, genre. Ouais, après, ça, c'est le lore d'Harry Potter. Ils ont appelé quoi. Lestrange parce qu'il y avait Bellatrix et qu'il fallait faire un clin d'œil. C'est le name dropping dont je parlais tout à l'heure, concrètement. Excusez-moi, mais attendez, réveillez-vous juste deux secondes. Parce que comme on a spoilé, autant spoiler tout. Non, justement, stop. N'écoutez pas cette émission. Fais pas ça. Le double twist. Je veux revenir sur le double twist au Père Lachaise. Parce qu'on peut dire que c'est au Père Lachaise, ça va, c'est pas tu veux dire. Le Père Lachaise. Le Père Lachaise. Oui, pourquoi ne pas prendre des acteurs français? Sans déconner, c'est pas possible. C'est quoi ce double twist? Quand même, on parle de quelque chose qui se passe, et dans la chose qui se passe, il y a un autre truc qui se passe qui est improbable, mais ça se passe quand même. Et après, non mais attends. Eh bien moi, monsieur, j'ai aimé. Ce que je reproche, c'est vraiment le rythme. C'est dommage qu'ils me l'aient mis tac tac. Ils auraient dû. Oui, ils auraient dû passer un petit peu. C'est juste ce dont je parle. C'est juste le problème de rythme. Ouais. Et puis même, il y a un truc, j'ai pas compris. À un moment donné, ils arrivent tous au même endroit. Comment non, c'était un plan. Là, c'était un plan du film. Mais oui, non, mais j'ai bien compris. C'est le plan de Grindelwald. On a tout à compris. Mais ils se font manipuler comme des couillons. Bah oui, à un moment donné, on est là, mais on se dit attendez, vous êtes là pour aller le combattre, pour aller le choper. Mais alors là, si vous dites venez, bah là, il n'y a pas de souci, on y va. Non, mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Alors le coup de la scène finale avec les morts, non, mais attendez, je veux bien, mais je veux bien avoir du courage. Mais soit ils sont cons, ou soit ils sont nuls. Parce que quand même, si c'est des, on va dire, des gens importants de la magie qui se font tuer en deux secondes. Ça n'a aucun intérêt, quel est ce film? Avant, il y avait des combats, des trucs, hop, on se renvoie, les protections. Dit, parce que Grindelwald, c'est un des sorciers les plus puissants qui ait jamais existé. Non, mais sinon, t'y vas pas. Si t'es trop puissant, t'y vas pas. Mais c'est un sacrifice. Attends. Mais écoute, le truc, c'est qu'il y a une prophétie. C'est comme la prophétie qui relie Harry et Voldemort. C'est une prophétie qui a été dite et qui ne pourra pas changer, en fait. Tu peux rappeler la prophétie. J'ai bien compris. Mais t'es pas obligé de crever comme celle dans le film là qu'on croit qu'elle lit les trois frères et sœurs. En fait, non, elle est sur autre chose, apparemment. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, cette prophétie ne tombe pas à l'eau, du coup. Elle, et en plus, elle lit autre chose, apparemment. Il y a une prophétie dans Harry Potter. Harry sera obligé de mourir pour tuer Voldemort. Oui, celle-ci. Ça, c'est une prophétie que vous semblez. Là, vous semblez avoir vu plein de choses que nous ne connaissons pas. Est-ce que je réalise? Pas du tout. Là, je me base que sur les films. C'est juste que vous comprenez toutes les références, vous comprenez tous les petits détails. C'est pas faux, ça. Ça, je suis d'accord. Chose que nous, on n'a pas. Et donc, du coup, nous, tout ce qu'on a par rapport au 1, parce que le 1, finalement... Voilà, on présentait Norbert, on présentait son monde, son univers, mais la vraie intro à la saga au déroulement de l'histoire, elle est là. Et nous, on nous a balancé un max d'informations. Là, je mets coup de cœur pour le personnage de Croyance, parce que dans le 1, c'était une victime. Je ne pouvais pas le saquer. Et là, C'est même dans non, donc, bah, il jouait bien quand même Ezra Miller. Ah non, j'ai pas rien contre l'acteur, mais le personnage en fait, dans le 1, en faire une victime déjà, ça s'améliore. Non, je comprends, pourquoi il est comme ça dans le 1, oui, et j'aime bien dans le 1 aussi, et dans le 2, j'aime bien aussi. Mais voir un film avec une victime. Et dans le prochain, je pense qu'il sera encore mieux même. Ouais, non, et puis moi, franchement, mon avis personnel est vraiment ce que je remets en question, c'est la réalisation, le scénario. Et les dialogues, parce que les dialogues, tout quoi. Non, parce que la musique, ça va. Non, mais parce que franchement, je suis un homme déçu. Ouais. Attends, moi je voulais dire d'ailleurs des trucs qui me plaisaient pas. Mais vraiment, sincèrement, quand là, j'ai vous vu voyez le casting, pas, mais il y a une petite larme qui coule. Et non, mais en vrai, j'étais quand même très content d'aller voir ce film. Je suis sorti, j'ai dit c'est pas possible, j'ai pas vu. C'est le pire film de l'univers. Non, de l'univers de la saga, de l'univers Harry Potter. Je suis pas d'accord non plus. C'est pas Par le pire contre, film Harry Potter. Je comprends ce que tu veux dire, Gauthier. Moi, je sais pas ce que c'est ça bon. Fait de voir le film sans. Voir les trucs à côté. Sans connaître vraiment l'histoire. Beaucoup trop de fanservice. Après, moi, pour dire, je suis entre les deux. Parce que j'ai pas lu tous les livres, mais bon, j'ai pas mal de trucs qu'on m'a donné ou que j'ai appris, voilà. Mais sans avoir lu tous les livres. Moi j'ai compris la plupart des choses. On comprend beaucoup de choses. Moi je comprends les références par exemple aux autres films parce que je sais quoi, les noms, tu vois, par exemple Gerard Grindelwald, rien que dans le 1, j'avais déjà entendu ça dans les Harry Potter. Donc forcément tu reconnais un petit peu. Mais quand t'es pas c'est comme nous les Marvel, quand on va regarder un Marvel, dès qu'il va y avoir une vanne, une référence à un autre film Marvel ou chose comme ça, on va la comprendre. C'est ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait le plus kiffer. Vous prenez, la voisine de votre grand-mère qui n'a jamais vu aucun Marvel, elle arrive, elle la comprend rien. Et finalement elle est face à un univers qui est déjà construit. Désolé, mais d'un côté, est-ce que je veux dire que c'est pas. Moi, du coup, je préfère un film qui vise les fans qui connaissent tout. Ah, c'est vrai que moi, je suis contente d'avoir vu ce film et qu'ils n'aient pas. Bah ouais, mais ça dépend. Une nuance. C'est un blockbuster. C'est-à-dire que eux, en tant que professionnels, ils le font pas pour attirer que les fans, pour attirer un large public. Ouais, si finalement moi, le film se voit comme un fan service, comme tu le dis, c'est que finalement, eux, leur pari de blockbuster, il est raté. C'est un fan service, mais je trouve pas que. Je trouve qu'il fait quand même bien blockbuster. Mais je comprends quand même blockbuster. Et moi, je suis contente qu'il soit pas tombé dans la facilité de reprendre tous les trucs que les gens Il n'est pas compliqué à comprendre. C'est-à-dire, l'histoire n'est pas compliquée à comprendre. C'est juste qu'il y a trop d'infos. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'informations pour la suite dans le 1. Et là, il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec Gauthier. Je me demande si Jérémy n'est pas une exception. Et peut-être que les gens qui ne sont pas familiers à l'univers Harry Potter ont détesté le film. Et peut-être que nous, on l'a aimé parce qu'on sait dans quoi il s'inscrit et qu'on comprend tout instantanément. Après, j'ai eu une personne à cinéma qui est arrivée qui m'a fait ouais, je vais voir le truc animaux, Grindelwald. Ouais. Mais vous savez, c'est un 2. Ah, un 2 de quoi et tout. Je fais en fait, c'est Animaux Fantastiques. Après, enfin, il y a eu Harry Potter. Ensuite, il y a eu Animaux Fantastiques. Ah, bah, j'ai ramené tout ça. Je peux le voir quand même. Je fais c'est mieux de Tu travailles dans un ciné. D'aller voir autre chose. C'est pour ça que t'as été viré. Non, c'est pour ça. C'est pour ça. C'était son dernier jour. Non, c'est mon dernier jour. Du coup, je pouvais me permettre de dire j'allais pas envoyer voir ce film alors qu'elle a rien vu des autres films. Elle aurait rien compris. Là, elle aurait détesté. J'ai pas envie de ça. Du coup, je lui dis y a pas un autre film qui m'intéresse. Même rien. Bohemian Rhapsody, quelque chose là. Je fais oui. Dommage. T'aurais dû l'envoyer puis prendre son avis juste après. Attends. Elle me regarde en mode. Du coup, c'est quoi ? Enfin, genre, je lui dis sinon, et Bohemian Rhapsody, le film sur le groupe Queen et Freddie Mercury et tout, elle me regarde genre en mode. Comme si elle voulait plus d'infos. Ouais, Queen, pourquoi tu connais pas Queen ciné, déjà alors ? C'est grave. Mais tu connais pas ça, Queen après, déjà ? Bon, après, chacun sa culture. J'ai dû chanter deux musiques pour qu'elle comprenne. Le troisième volet pour plus apprécier ce film. Parce que j'ai bien aimé le film, moi, je suis pas sorti mécontent, mais je suis sorti avec trop de choses dans la tête. Et je pense qu'il faut faire le tri. Je pense que les réponses que le troisième apportera, parce que maintenant, ils vont faire ça, ils vont forcément apporter certaines réponses à certaines questions. C'est très vrai ce que dit Gauthier. Je vais vous dire ce que j'ai pas aimé surtout. C'est que le 1 et le 2, c'est. Parce que j'ai cherché le nom, j'avais pas le nom en tête, c'est Chris Columbus. Et le 3 qui est le préféré normalement de tous les fans, c'est Alfonso Cuarón. Il y a des gens qui savent réaliser. David Yates, j'avais regardé, je me rappelle les derniers épisodes, c'était pas mal. En plus, le premier est sympathique. C'est pas, voilà, il fait un bon travail. Là, je l'ai trouvé pas bon. Là, j'ai trouvé vraiment. À part, je te dis, le plan qui est intéressant, c'est le gros zoom sur les villages. Ouais, les plans sublimes. Je dis ce que j'ai pas aimé parce que je voulais dire ça. Mais sinon, on franchement, il y a aucune idée. C'est clair qu'en 3-4 films Harry Potter, David Yates n'a pas fait preuve de vrai. Sens de la mise en scène, hein, ouais. Mais monsieur, je veux dire ce que j'aimais pas du coup. Non, monsieur. Là, c'est. C'est la scène du début, du coup, on comprend un peu rien. Ouais, j'aime pas trop. D'accord. Ils avaient fait pareil dans Black Panther, on comprenait rien à la scène du début. Digne de Fast and Furious, hein, même truc. J'aurais dit Black Panther à la scène du début où on voyait rien. Okay. Donc, ah oui, dans ça, le noir, la jungle, ouais. Et aussi, ouais. Ah, et aussi en fait, on nous parle. Enfin, j'ai même eu, en fait, à mon cinéma, il y avait un. Genre, pour l'avant-première, ils avaient fait genre un plan de Paris. Mes versions Animaux Fantastiques, pour la promotion du film. Et derrière, au dos, t'as tout le cirque et tout. Donc je me suis dit qu'il y allait avoir un truc important dans le cirque. Et pas du tout. Je suis en train de me demander, je vais chercher, si le chef opérateur n'a pas changé. Parce que si le chef opérateur a changé, ça veut dire que l'image est bien différente de tous les épisodes d'avant. Parce que j'ai souvenir dans ma tête, dans mon enfance, où il y avait un côté, même si c'était du fantastique, réaliste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on pouvait s'imaginer dans le monde d'Harry Potter, parce que c'était tellement réaliste. Bien sûr, pas les sorts et tout ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait un travail sur la personnalité des gens, la psychologie. Ah, tu parles de ça. Okay. Je croyais que tu parlais de l'image. Les plans aussi, les plans de la forêt, comme si c'était une forêt à côté de chez toi. Pour l'image, les deux premiers Harry Potter, déjà faits par Chris Columbus, sont début des années plus 2000. Plus enfantin, en plus. Et déjà, oui. Mais surtout, on utilisait beaucoup. Non, mais trop de flou. Justement, dans le 2, il y a trop de flou partout. Dans le 1 et le 2 d'Harry Potter, tout est en effet début des années 2000, on utilise beaucoup moins les effets spéciaux que maintenant. C'est beaucoup de décors réels. Les premiers. Non, les premiers films Harry Potter. Il y a des effets spéciaux. Non, aujourd'hui, dans un truc comme ça, les premiers films Harry Potter de Chris Columbus. C'est peut-être ça, du coup. C'est ça qui me plaît. Voilà. J'avoue que la 3D, j'aime bien, mais à un moment donné. Ça coûte plus cher. Et comme on l'a dit la semaine dernière, les animaux fantastiques a beaucoup moins marché qu'Harry Potter. Il a coûté très cher, les animaux fantastiques. 200 millions en budget, c'est énorme. Non, oui, je veux bien, mais t'es pas obligé non plus de filmer Paris. On sait que t'es à Paris, ils te font bien des plans avec la Tour Eiffel. Voilà. Bon, pourquoi pas, ça nous fait plaisir, mais bon. Okay. Ah, moi, j'avoue que j'étais contente de voir la ville magique à Paris. Genre, je me disais, peut-être que je peux la trouver. Enfin, ouais, genre, je suis d'accord, parce que regarde, même les Américains, quand ils vont faire un truc sur New York, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent un plan de la Statue de Liberté ou des choses comme ça pour bien montrer. Ça fait quand même chier qu'il n'y ait pas de Français qui peuvent filmer Paris de cette façon un peu fantasmagorique. Quoi. Franchement, c'est chiant. C'est chiant qu'on se limite toujours au plan. Réel. Ouais, aux comédies et aux plan dans la réal française et qu'on sache pas filmer une ville, c'est quand même incroyable. Oh si, y a des réalisateurs comme François Turcot. Faut trop plus, ils pourraient plus le permettre avec les drones et tout aujourd'hui, ils peuvent un peu plus le permettre. Grave en plus, c'est clair. C'est pas faux. Ils ont pas tourné à Paris en plus, donc. Non. Mais par contre, Mission Impossible, ils l'avaient fait ça. Oui, mais Mission Impossible, on avait vu tout un truc avec le chemin qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est comme s'ils se téléportaient et tout. Ils ont mis juste les belles rues de Paris, ça fait beaucoup de coupage, on va dire. Ouais. Mais qui part de là, il fait... Voilà, en 5 minutes, il a déjà l'autre bout de Paris, tu vois. Il finit là. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que vous avez... On peut clore ce débat sur les Animaux Fantastiques 2 pour dire qu'on est mitigé, mais au moins, on a... Qu'on n'est pas d'accord. On est motivé pour voir le 3, quand même. Oui. On est bien d'accord. Donnez-le-moi. Du coup, ça va l'air. Exactement. Et puis, bisous à Zoé Kravitz. Si elle nous écoute. Si elle nous écoute, bien sûr. Moi, je vais faire un bisou à Eddie Redmayne. Voilà. Moi, franchement, je préfère Eddie Redmayne et... je connais pas le nom de l'actrice, mais Tina Goldstein. Enfin, dans le film. Y a pas de souci. J'ai envie de vous dire, les gens, est-ce que vous voulez parler d'un film que vous avez aimé récemment? Et oui, monsieur, Saltan à l'hôtel El Royal. Allez-y, je vous en prie. Please, no spoil. On compte pas faire ça parce que c'est justement. C'est une énigme. Déjà, c'est un film. C'est un film à énigme. Il y a des choses qui te surprennent dans le film. Ça, j'adore déjà. La réalisation, moi, j'adore aussi. Les scènes sont bien faites, l'ambiance est bien faite. Il y a même des plans séquences super longs, mais tu vois pas que sont longs, tu vois. La caméra est propre, tout est jeu d'acteur. Mais il n'y en a aucun qui. J'ai fait putain, il joue mal lui, tous. Il joue bien. C'est de la performance. Tous. Bah, là, pour moi, le film, je suis dégoûté qu'il ait pas marché. Ça arrive. Franchement, je donne facilement un 18 sur 20. Dans l'ambiance, moi, il m'a fait penser aux 8 salopards de Tarantino. Ouais. C'est ce genre de film. D'accord. Je le voyais un peu plus comme les Deep Sea Nègre, tu vois, de Agatha Christie. Enfin, la bande annonce, c'est ce qu'elle laisse présager, un sort de huis clos. Mais c'est vraiment ça. Ouais, mais d'un côté, les 8 salopards, c'est aussi un huis clos avec des personnages qui se rajoutent petit à petit. C'est totalement comme on disait, les 8 salopards. Si on comprend bien, on est dans un hôtel, plusieurs personnes arrivent, elles se connaissent pas. Non. Mais il y en a un qui est un peu bizarre. Ils ont chacun un peu leur histoire, chacun leur motif, pourquoi ils sont là. Chacun est là pour quelque chose. Ouais. Et c'est un peu Cluedo, j'ai l'impression d'être en Cluedo. C'est un peu ça, totalement. Oui, c'est totalement ça. Train, c'est un film Cluedo, l'Orient Express. Le cri de l'Orient Express. J'ai pas vu celui-là, mais il avait l'air d'être bien aussi. C'est carrément un film Cluedo, c'est complètement ça même. D'accord. Il y a vraiment des surprises. Ouais, pour moi, il y a des bonnes surprises. Moi, je trouve que la réalisation est vraiment bien faite parce que la caméra est très posée. Les plans sont, sans que ce soit long, c'est très posé, c'est propre. Et plus le film va commencer à partir un peu, plus la caméra va se mettre à bouger. Et j'adore ça quand la réalisation suit l'histoire et que ça... Et les décors aussi sont ça pas mal. Nourrit le... C'est un huis clos? Oui, quand même. Ça reste tout autour de l'hôtel. Et donc, du coup, très beau décor. Ben, je trouve c'est très américain. Ouais. Mais ouais, c'est... Ouais. Décor à la Shining ou pas, pas du tout. Non, pas du tout. Décor, pas style d'époque, mais... style années 80 ou un truc comme ça. Un peu, ouais. Oui, si, carrément, c'est oui, oui, c'est ça. Ouais, en plus. Il y a, c'est pendant, je saurais pas dire la date exacte, c'est pendant que Nixon était président. Ok. Je saurais pas dire, mais l'affiche a fait très, très. Mais voilà, c'est dans ces périodes-là, Nixon. Juste pour dire ça. Et merde, je vous dis un truc. Ouais, bon, les acteurs sont bons tous pour moi. Il y en a vraiment qui, je trouve, il est. Pareil, bon, on l'a vu dans plein de films, bien sûr, il y a plein de films où il montre qu'il joue bien. Mais Chris Hemsworth, enfin Thor, ah, dans le film là, j'étais en mode, oh putain. Ouais. Performance. Ah, performance. Ah ouais, ah, ouais, pour moi, ouais. Pas différemment après, j'imagine. Ah ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, putain, mais c'est plus Thor là. C'est, wow. C'est vrai qu'à cause de Thor, on a un peu l'impression que c'est un personnage, enfin, c'est un acteur tout, Marvel quoi, qui sait faire le super héros musclé et tout, mais. Franchement, je crois. J'ai envie de penser comme, comme Chris Evans et Mark Wahlberg, qui sont des acteurs connus pour les trucs un peu gros lourds, ouais. Alors que c'est des mecs qui font des performances. Si vous voyez, Chris Evans, il joue. Moi, je trouve qu'il joue bien, très bon, mais aussi. Il tombe souvent dans des mauvais films en fait. Pas Chris Evans, ouais. c'est un bon acteur quand même. Petite c'est comédie dramatique, un peu ouais. sentimentale. Il est plus un peu dans. Mais si vous chopez un peu par-ci par-là, et si vous avez des films indés, il a des trucs intéressants. Il a fait beaucoup de films de comics. Ouais, il a fait The Losers aussi. Ouais, The Losers, je pensais à ça. Et je suis triste parce que. Il était pas ouf, mais il a été un gros échec alors qu'il avait un sacré casting. Voilà, il méritait pas de se faire cracher dessus autant, je trouve. Tu voulais dire Je voulais dire que Chris Hemsworth, si je dis pas de bêtises, le réalisateur de ce film-là, c'est le même réalisateur que La Cabane dans les Bois. Oui, Chris c'est ça, qui est dedans. Oui. Et ben ce film-là, les gens, enfin, je connais plein de monde qui aime pas, moi j'aime bien. Ouais, mais il avait été bon, Chris Hemsworth dedans. Et alors, Dakota Johnson, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est un peu le personnage principal ou pas? En fait, c'est pas vraiment le personnage principal. Je pensais que c'était John Hamm le personnage principal. Non, c'est tous. John Hamm, il a énormément de bonnes critiques sur ce film. Mais alors, Dakota Johnson, qui justement, on disait, c'est un peu la victime de base, elle prouve complètement le contraire dans ce film-là. Moi, c'est vrai qu'à cause de 50 nuances degrés, cette actrice, je l'avais un peu catégorisée en mode. Enfin voilà. Team, tout ça, mais là, pas du tout. Et elle joue bien en fait. Hein. Mmh. Franchement, elle m'a impressionnée dans ce film. Ah, si, pardon. Il y a une actrice. Oui. Mais après, elle joue bien parce que elle m'a énervé. C'est qu'elle joue bien. Mais vraiment. Elle joue bien en fait parce que. Oui, je réfléchis. Mais dis c'est qui parce que. C'est l'actrice, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la fille qui est aussi dans. Là, je l'avais pas du tout aimée, c'est dans Pacific Rim 2. C'est la petite qui est trop forte, c'est une jeune un peu prodige. Il y a un personnage agaçant, il est tellement agaçant que vraiment à un moment donné tu détestes la personne. Quoi. Mais ça c'était dans Pacific Rim. Et ça arrive, ça c'est compliqué. Ça. Mais elle est agaçante dans Pacific Rim. Bon, le film, j'aime pas du tout le film. Voilà. Mais là-dedans. Le 2, hein. Le 2, ouais, oui. Le 1, j'adore, okay. Pas le 2. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Est-ce que c'est Cynthia Erivo? Tu vois cette tête? Cette personne? Non, pas du tout. Non, elle est très bonne. Et d'ailleurs, elle joue aussi dans Les Veuves. Et, intéressant. Parce qu'elle est très bonne. Très dans la presse, très celle qui actrice. Ressort du film. Hein. C'est ah vraiment ouais, il ouais. Y a très bonne actrice. Un nouveau talent. Et justement, elle est dans Les Veuves et ça m'intéresse beaucoup. Non, du coup, voilà. C'est Kyle Spiny. Qui c'est? Kyle Spiny. Kyle Spiny. Elle joue le rôle de qui dans le film? De la petite sœur. Voilà. Mais elle est. Dans le film là. Je l'aime pas, mais parce qu'elle joue bien. Elle fait bien. Ah, d'accord, donc elle assure. Ouais. Là, elle assure aussi. Moi, ils jouent tous bien. Mais ils jouent bien. Attendez. Pas parce que. Il y a Xavier Dolan, qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Il y a Xavier Dolan dans le film. Il joue le manager. Vous avez pas fait gaffe. Peut-être qu'il fait un caméo. Mais non, mais j'ai pas du tout fait gaffe. Son personnage est tellement. Anecdotique. Oh non, pas anecdotique, justement, pas. Mais en fait. Mais déguisé, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais pas déguisé, c'est vraiment le caractère. J'ai pas reconnu Xavier Dolan. Ah ouais. Mais il adore ça, lui, bien se transformer aussi. Ah, wow. Franchement, il joue tellement bien le personnage. J'essaie de trouver une photo avec lui, mais bon, je crois qu'on n'aura pas. Ne va pas te spoiler, mais en tout cas, ouais, elle joue tellement bien. Oh, bah, du coup, j'ai presque envie de le revoir pour Xavier Dolan. C'est comme. C'est un personnage important dans le film. Ah oui, très très. Vous voyez Geoffrey dans Game of Thrones, tout le monde déteste tellement il joue bien. Et là, c'est pas une saloperie comme Geoffrey, mais elle joue bien. Tu l'aimes pas dans le film. Enfin, moi, je l'aime pas en tout cas, mais c'est pourtant. Je suis choqué, Xavier. Tu aimes la détester, quoi. Voilà. Mmh. Mais dans ce film-là, dans Pacific Rim 2, je la déteste vraiment. D'accord, d'accord. Mais tu vois, je suis pas fermé. Pacific Rim. Je peux aimer un acteur dans un film et pas dans un autre. Oh, ouais. Après, bon, le film n'aide pas. Pacific Rim 2, mélange de Power Rangers avec je sais pas quoi. Le premier était bon. Le premier était excellent. Mais c'était Guillermo del Toro le premier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sentais l'amour dans le premier de façon. T'as perdu le côté gigantisme du premier. Ouais, premier, t'avais l'impression d'être tout petit à côté des deux. Parce que ça marque une fois. Tu vois, ça, c'est des films aussi qui claquent. Tu sais, ça peut marcher qu'une fois parce que c'est l'effet de surprise. Tu crois ? C'est du trop. C'est comme G.I. Joe. Le premier était déjà trop fort. Sur le deuxième, il se foire à chaque fois. À chaque fois qu'il est comme ça, il se foire. Le premier était déjà trop bon. Je suis désolé pour lui. Hein. J'aime beaucoup le revoir à la Voyance là. Je suis désolé pour moi. je le vois pas dans autre chose que des comédies. Là, c'était un film d'action, il passait des pas frères dedans. Ryan, ouais, on est passé sur G.I. Joe 2 ou c'est moi? Ouais, le mec qui est dans Scary Movie. On va revenir sur les... Oui, je me suis endormi au cinéma et c'est rare. Pour finir sur El Royal, c'est un film inattendu parce qu'il y a plein de personnages. Enfin, vous attachez pas un personnage, quoi. Ils peuvent tous mourir à n'importe quel moment. Je fais pas de spoil, mais ça c'est bien. C'est pas genre ils parlent. Même les... parce qu'en plus c'est tous des acteurs connus, donc on se dit bah voilà. Quand il y a des acteurs connus, on s'attend pas forcément à ce qu'ils meurent, mais alors là. Tu sais pas. C'est inattendu, ça part dans tous les sens, c'est trop. Ça donne envie, j'ai envie de le voir. C'est peut-être un coup de cœur de cette année, moi c'est peut-être celui-là. Je vais essayer de le choper. Je voulais le voir, mais c'est vrai qu'il y a un peu un problème. Châtelet, Bercy, si vous pouvez. Bercy, Châtelet. Bah, c'est une question aussi de. Il faut y aller voir. Mais je pense qu'il va. Mais tu vas aller voir s'il ne le diffuse pas. Bah oui, mais bon. Parce que je te dis, c'est qu'il y avait zéro séance. Après, s'ils n'ont pas fait zéro séance de prévu, quoi. S'ils n'ont pas fait pub, même les mecs de cinéma, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et c'est peut-être aussi les Américains, les producteurs du film ou les distributeurs, ceux qui ont les droits, qui n'ont peut-être pas voulu non plus trop le distribuer. Parce qu'ils se disaient que ça allait peut-être pas marcher. Je sais pas quand est-ce ça arrive aussi. Hein, c'est con parce qu'ils disaient on va tenter. Il a pas marché aux États-Unis. Moi je l'ai pas encore vu sur les sites de box office. Juste une question, vous avez bien aimé du coup les 8 salopards comme on a dit que c'est un film qui ressemblait. Moi non. Totalement. Oui, oui. Bah c'est juste pour dire bon. Il est mieux dans la veine. On est. Non il est mieux. Après les 8 salopards c'était un film qui avait été très très bien vendu. C'est pas lui autant El Royal, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. C'est le contraire. C'est assez vendu et pourtant voilà exactement. J'ai l'impression qu'il est très divertissant aussi ce film là. Bah pas divertissant mais très dans une sorte de pop culture. Non. Par contre il est un peu oppressant et une bonne oppression. Toi t'es un peu. Il y a quand même un style vraiment dans l'image. C'est un film auteur avec un auteur derrière quelqu'un. Ah ça c'est un vrai trailer. C'est génial. Et ce qui est génial, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé par les films d'horreur et qui un peu switch vers un thriller. Et ça, c'est beaucoup de réalisateurs, surtout dans les années 80-90, qui commençaient par les films d'horreur. Et le plus connu, c'est James Wan, par exemple. Ça se sent qu'il y a un peu d'horreur, parce que moi, j'ai sursauté à plusieurs reprises. Moi, j'ai crié même à un moment. Mais Ah bon, ok. Ça claque, en fait. Tu fais bien de le dire. Je me permets juste de parler d'un autre film qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé ça fabuleux. J'avais peur d'aller le voir dans le sens où je me disais, est-ce que ça va être un peu pathos? C'est Les Chatouilles d'Andrea Bescon et d'Éric Métayer. Alors, pareil, moi c'était ça. Mais en fait, j'y allais parce que je voulais pas que ça soit pathos, en fait. C'était mon risque. Ou que ça fasse Téléfilm France 2. Et franchement, pour moi, et je vous le dis sincèrement, parce qu'à la fin de l'année, on va faire notre liste des films de l'année. Et pour moi, il est dans la liste. C'est-à-dire vraiment, c'est un des films de l'année. Parce qu'il est très beau, très fort, efficace. Avec un casting fabuleux, Clovis Cornillac, Karine Viard, Andrea Bescon elle-même qui joue son propre rôle, donc qui raconte son enfance et sa vie. Également Pierre de la Longchamp. Donc vraiment un casting qui est vraiment incroyable. Moi, bien sûr, en plus, j'aime énormément Clovis Cornillac qui joue le père donc de la fille qui a eu qui s'est faite agresser sexuellement par un ami de la famille. Le film, c'est sûr qu'il est lourd au début. On parle du sujet en lui-même, dans le fond, même dans l'image, on va dire 20 minutes pendant le film. Vraiment, où là, pendant 20 minutes, c'est assez dur. Le reste, c'est la reconstruction, c'est la psychologie, c'est aussi un... Moi, je vois que c'est un point de vue cinématographique, c'est vraiment un film de cinéma. Il y a des plans magnifiques, c'est un film de danse également, c'est un film de mouvement, de corps, un film vraiment fabuleux, très bien monté, très bien écrit. Je dirais qu'il y a 2-3 minutes de film un peu trop faciles dans certains dialogues, mais à part vraiment sur 1h40, 2 minutes de film, c'est pas important. Le film fonctionne. Karine Viard est juste. Elle est effroyable comme elle est extraordinaire dans le film. Déjà, elle était très bien dans Voyez comme on danse. Ouais, c'est ce que je pensais. Là, dans ce film-là, on a l'impression que c'est un peu le même personnage, j'avoue, mais en plus dur, en plus difficile. On parle d'un sujet tabou, on parle d'un sujet difficile à entendre. Et là, Andrea Bescon, qui parle de sa vie personnelle, elle amène ça, on va dire, avec un point de vue vraiment cinématographique. C'est ça qui m'intéresse. Parce que souvent, quand on parle de films durs, comme des films sur la Shoah, des films sur la pédophilie, des films sur un serial killer ou ce que tu veux, des catastrophes naturelles, voilà, des choses vraiment dures à accepter, avec des visions atroces, souvent, ce qui peut arriver, et ça arrive aussi, c'est qu'on dise « c'est bien », parce qu'on parle d'un sujet grave, parce qu'on parle d'un sujet important. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire que c'est un bon film, parce que c'est un bon film dans le sujet, mais surtout dans la réelle, dans le scénario. C'est très intéressant et ce que tu dis. Et c'est un film avec un auteur derrière. Et elle, Andrea Bescon, et Éric Métayer, qui est formidable en tant que réalisateur, il y a vraiment un duo formidable. J'ai trouvé ça efficace. Et franchement, je ne m'attendais pas à aimer vraiment ce film. Quand je dis aimer, parce que je me suis dit vraiment pareil, c'est vraiment ce côté pathos qu'il peut avoir dans des sujets comme ça. Le film est touchant, Le film est subtil, le film part dans de la poésie, c'est un film poétique. Alors qu'on parle de pédophilie, mais c'est un film voilà, le titre poétique. Est poétique, hein, je trouve déjà. Ouais, déjà les chatouilles. Le titre est intelligent et il est travaillé. Moi, ce qui m'a fait peur, bon, ça n'a pas l'air d'avoir trop été le cas, mais il y avait les animaux fantastiques et tout. Ce qui m'a fait peur, c'est que le film s'appelle Les Chatouilles. Mais si tu sais pas du tout c'est quoi, il n'y a pas moins de 12 ans, tu peux emmener des enfants le voir, je suis pas sûr que ça peut... Je crois que t'as pas tort dans le sens où ils ont pas fait beaucoup de promos sur ce film. Ils ont pas fait beaucoup de promos, il y a pas moins de 12 ans dessus. Mais quand même, les gens, ils sont pas, tu vois, les parents savent, les chatouilles, on comprend. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, c'est quoi du coup ? Et qui étaient avec des enfants. Ça peut arriver. N'oubliez pas qu'il y a des gosses qui sont allés voir Sausage Party, quoi. Enfin, parce que des parents n'étaient pas au courant l'année dernière, donc ça peut arriver ce genre de truc. On a porté ce film. Des animés, tu penses qu'il va être au César, ouais, c'est vrai. César Je le souhaite en tout cas. En tout cas, en premier film, faut que ça mérite un César. Et franchement, pour moi personnellement, c'est un des films de l'année. Et je suis content vraiment parce qu'il y a au-delà du sujet. Vraiment, je dis vraiment au-delà du sujet. C'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait visuellement, le travail sur l'image, le travail sur la mise en scène qui est vraiment bien. Il y a des choses qu'on va peut-être pas aimer dans le film, mais c'est pas dans le contenu, je dirais. C'est plus dans le choix un peu artistique de certaines scènes. Mais sinon, il n'y a pas une scène en trop. Souvent, je pense que vous avez l'habitude, je dis toujours, il y a toujours 5 minutes de trop, 4 minutes, un quart d'heure de trop, des scènes qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas nécessaires. Tout est nécessaire. Et même si le personnage principal peut être un peu agaçant dans le caractère, dans le fait de toujours être en colère, ce qu'on peut comprendre aussi, mais toujours être en colère, ce qui peut être agaçant au bout d'un moment, bah ouais, mais ça fait partie du personnage et on l'accepte. Et c'est là où je reviens avec ton personnage que tu ne pouvais pas saquer à un moment donné dans ton film à toi. Là, c'est pas parce que le sujet est dur, mais là, c'est l'inverse. Elle nous agace par moment, mais en même temps, on est attaché. Il y a un lien qui se crée avec ce personnage-là. Et il y a un lien qui se crée avec tous les personnages. Il y a une réflexion importante aussi sur ce sujet-là. Mais c'est un film qui est beau, et surtout, je dirais, poétique. Voilà, donc je vous le conseille, vous pouvez aller le voir. Tu donnes envie. Tu me donnes envie, mais il y a juste un film à aller voir, là, c'est compliqué. Moi, j'ai juste un petit coup de cœur cette semaine. Il me manque. Voilà. Parce que moi, je suis très film populaire, tout ça. Et pour le coup, j'ai vraiment un film que j'ai beaucoup aimé voir, ça s'appelle Mauvaise Herbe. C'est avec Kairon. J'ai vu la bande-annonce, j'ai vu un peu, ils étaient passés sur une émission cinéma, là, où ils avaient un peu parlé de leur film. Et c'est un film qui, rien qu'avec la bande-annonce, ça m'a déjà. Sur quand? Il sort cette semaine, je crois. Il y a beaucoup de films qui m'intéressent, qu'on n'a pas le temps de voir. Genre Le Grand Bain, Chatouille. Alors, Le Grand Bain, on en a parlé, on en a dit du bien. Oui, mais tout ça, j'ai envie de voir. Ouais. Un Homme Pressé, tout ça, j'ai envie de le voir, j'ai pas le temps. Un Homme Pressé, j'en ai parlé, c'est pas mal. Et du coup, tu vas aimer une il y en a un autre que j'ai envie d'aller voir qui va sortir aussi, c'est Lola et ses frères. Ouais. J'irai voir. Moi, il m'a arrivé pour une raison, il y a José Garcia. Dès qu'il y a José Garcia, je vais voir un film. Ça dépend des films qui. Lui, ça dépend. Ça dépend. Toucheuse, tu parles de Toucheuse, je peux comprendre. Mais là-dedans, oui, je peux. Ouais, mais en plus c'est Jean-Paul Roux, parce que Jean-Paul Roux est connu pour faire des films, parce que c'est pas son premier film, c'est son troisième, quatrième. Il fait des films, tu sais, très mélancoliques, très qui ont l'air très cheap, et en fait c'est des films qui sont plus touchants qu'on ne le pense. Comme écrit. Michel Blanc, hein. Voilà, Michel Blanc, il arrive à te percer là où ils sont tu t'attends de la pas. Même génération. Ouais. Que c'est. C'est ça, mais lui c'est vraiment tire-larme, mais tire-larme dans le bon sens du terme. Je sais pas ce que je dois en penser, j'attends de voir Ramzy Bedia ce qu'il va faire. Il est exceptionnel, ce tome est exceptionnel. Ouais, c'est, il est devenu. Ouais, il est mieux depuis qu'il est séparé de son duo, je crois. Ouais, c'est mieux sans Éric Judor. Ça fait longtemps. Moi je suis content du cinéma français parce que après Ala 2, franchement, moi j'ai le cinéma français et là il nous ressort plein de bons films. Vraiment, il y a eu plein de bons films dernièrement. J'en ai parlé aussi, mais je suis allé voir Ala 2 parce qu'il fallait le voir quand même. J'avais pas vu le 1, je tiens à le dire. Et ben franchement, je l'ai défendu. Je l'ai défendu parce que c'est un film qu'on peut détester. Mais toute la haine qu'il y a contre ce film, surtout celui-là, le 1 j'ai pas vu, je trouvais que c'était trop facile. Ça peut donner envie de le défendre. Ouais, parce que déjà, mais même quand je suis allé le voir, je me suis dit, mais attends, on est en drame contre ce film-là, il y a bien pire. C'est ça. J'ai vu des trucs, moi, qui sont trop... C'est un drame contre les animaux fantastiques. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un drame. C'est alors qu'il est bien mieux que la 1, la 2, tout ce que ces derniers temps, c'est... Bon, on peut pas comparer à la 2 et Animaux Fantastiques, on est plus sur le même... La presse, en tout cas, les critiques, elles sont beaucoup plus vénères envers des films comme Aladdin, juste parce qu'il y a Kev Adams. En ce moment, c'est un peu la pétoire, Kev Adams. Qui est Kev Adams, le film, pour être bien, c'est... C'est plus t'es connu et plus... Un jour, il faudra résoudre cette énigme Kev Adams. Ouais, Vincent Lopez, après, lui, c'est plus un personnage. Faudra vraiment en parler sérieusement et résoudre cette énigme. Pourquoi ? Oui. Pourquoi lui ? Je comprends pas personnellement. Je sais qu'il a un public et je sais qu'il fait rire et tout machin. Mais ça dure longtemps. Moi, quand même. Kev Adams, je suis OK, on va dire. Ouais. C'était quand il faisait One Man Show. OK sur scène, Oui, je suis d'accord, mais sur scène, il a quelque chose. Je veux pas choquer personne, moi il me faisait pas rire. Déjà, je le dis, non, mais pas trop. Le rire, c'est compliqué. Voilà, oui, parce que l'humour, c'est compliqué. C'est comme, en fait, c'est comme, si vous voulez, Omar Sy. C'est-à-dire que quand c'est Kev Adams, quand c'est Omar Sy, le public s'attend à que tout de suite ça soit mort de rire. Quand c'est ah bah non. Voilà, que ce, c'est bah, Omar Sy, moi, je Omar Sy, c'est détaché. Omar Sy, moi, c'est bon. Kev Adams, il a commencé en faisant le gamin. Vous avez bien vu, je l'ai protégé dans Demain Tout Commence. À 26 ans, son personnage de gamin, Kev Adams, il peut plus l'avoir, forcément. Donc il faut laisser le temps de se réadapter. Et là, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus au cinéma que sur scène. Et au cinéma, il est encore là à trouver son style. Mais c'est sûr que Kev Adams, il pourra plus faire du Kev Adams comme quand il a commencé. Mais il s'adapte. T'as tout dit. Et le problème, c'est que c'est comme Omar Sy. C'est-à-dire qu'on les a rentrés dans des personnages, vu que c'était le SAV. Aujourd'hui, ils sont toujours marrants, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus doux. Je suis pas d'accord. Ce que je suis en train de dire, Kev Adams, ok, sur scène et tout, en film, au-delà qu'il soit pas marrant, au-delà que sa tête on n'aime pas, je trouve qu'il joue mal. Voilà. Bah, tout c'est simplement. Il joue pas dans Le Gamin même. Avec Franck Dubosc. C'est le seul film. Fiston. Voilà. Et ce film-là, il était bien, moi je trouve. Le film était bien. Je pense qu'il faut pas trop cracher dessus. Non, faut pas cracher sur Kev Adams, mais je suis pas d'accord avec Gauthier. Pour moi, Kev Adams fait tout le temps du Kev Adams. Par contre, il est dans son rôle. Oui. Là où Omar. Mais. Là où Omar, au contraire, selon le film que tu regardes, bah, il peut. C'est pas forcément le même personnage. Mais Adam Sandberg. Après, je pense que la chance, c'est que. Touchable, le flic de Belleville, t'as trois personnages différents. Adam Sandberg, qui joue toujours le mec bof, entre guillemets. Oui. Bah voilà, il est aussi détesté. C'est vrai, aussi détesté aux États-Unis. Puis surtout que Omar Sy, il a eu beaucoup plus de d'exposition, voilà, oui. Et surtout il a eu beaucoup plus de choix, c'est-à-dire qu'il a fait des choses beaucoup plus variées. Kev Adams, on lui propose un peu la même chose. Ben, après, ça correspond à pas Jamel Debbouze dans Marsupilami, il fait Jamel Debbouze. Attends, tu vois ce que veut dire au point. Un autre truc pour parler tout à l'heure, l'actrice que j'ai dit de Pacific Rim, que j'aime pas du tout dans Pacific Rim et j'aime pas du tout le film, je l'aime bien dans Hotel Royal, donc j'arrive à juger les acteurs selon les films. Donc j'attends de voir qu'on donne un film sérieux à Kev Adams pour voir. Moi, Kev Adams, j'ai vu quasiment tous ses films. Je pense qu'il doit être en second rôle. Il a eu une comédie romantique il y a pas longtemps. Elle était comment? J'ai pas vu, mais c'est pas assez sérieux. Je veux dire vraiment. Il fait pas cette seconde. Comme un peu intouchable avec Omar Sy, tu vois, un truc vraiment qui change. Jamel Debbouze a quand même eu Indigène et bien sûr, et le deuxième est Marsupilami. Oui, je suis d'accord. Pourquoi Jamel Debbouze fait du Jamel Debbouze en Marsupilami? Parce que c'est Jamel Debbouze et Alain Chabat dans Marsupilami. C'est ce que j'allais dire. Mais voilà. Ouais. Non, pour revenir, on disait aussi, j'attends de voir Kev Adams dans un truc sérieux. Je disais à Gauthier, il fait pas assez de second rôle. Il fait que des premiers rôles. Et à un moment donné, si tu veux te performer, bah, il faut être humble et dire de temps en temps, bah, je passe une tête, je fais un petit second rôle. Ah oui, mais c'est ça ce qui est pareil. C'est pas humble du tout. Je sais pas s'il a la grosse tête. Si, on a eu des écoutes. On a eu des écoutes. Ah, ok. En tout cas, faut sortir de sa zone de confort, ce qu'il ne fait pas. Peut-être que c'est pas lui qui décide, peut-être qu'on lui propose malheureusement que ça. Mais c'est clair qu'il faudrait qu'il sorte de sa zone de confort pour qu'on puisse effectivement le juger entre grosses guillemets. Mais là, oui, de ce qu'on voit, c'est ça. Le truc, c'est qu'on lui propose peut-être que ça. Les humoristes, c'est comme les acteurs, hein. C'est qu'à un moment, il faut aussi faire le film qui va te permettre de te décrocher. Elle dit quelque chose quand même. Oui. Peut-être qu'on lui propose que ce rôle-là, mais il accepte, il peut. J'ai du mal à dire ce mot toujours. Mais il peut dire non. Enfin. Il est assez connu, entre guillemets, encore. Bon, parce que pour moi, je suis d'accord. Pour moi, je suis d'accord. Il pourrait peut-être accepter un peu plus de revarier que les têtes d'affiche. Maintenant, même si tous les films dans lesquels il a joué ne sont pas exceptionnels, il sait quand même tenir une tête d'affiche. Il sait tenir un film voilà. Oui, c'est tenir un film. Non, mais je pense que maintenant, effectivement, il pourrait faire un peu plus. Je suis désolé, Gangsterdam, moi, c'est pas lui qui m'a fait aimer. Enfin, j'ai pas kiffé le film plus que ça. C'est pas Manu Payet non plus, c'est son pote. Je sais pas comment il s'appelle, le rôle. Ouais, c'est lui ça, je veux dire, dans les fictions, c'est souvent comme ça, c'est souvent le poteau un peu marrant. Mais c'est lui qui m'a fait le film. Parce que moi, le film, je pense que je serais sorti si j'étais pas avec mon petit cousin. Mais c'est comme tous les films où il est avec son pote de soda. La fille, j'aime pas non plus. J'aime pas du tout son jeu non plus. Tu sais, c'est comme tous les films où il est avec son pote de soda. C'est toujours son pote de soda qui vole la vedette. William. Lui qui vole la vedette. Bah lui, moi, j'ai un grand respect pour lui. Mais ça, pour moi, c'est dans la fiction, règle générale. C'est ça qui est ouf. T'as souvent le petit poteau marrant du héros. C'est souvent lui qui vole la vedette. Mais là, t'as tout dit. Les mecs, ils ont été connus en même temps. Il y en a un qui fait que la même chose, il y en a un qui arrive à faire des trucs différents. Peut-être parce que. Alors, la différence, c'est que pendant qu'il faisait Soda, William Goodwin, même s'il était moins connu, il faisait déjà des films où il se différenciait déjà. William Goodwin, c'est un acteur ou un humoriste? C'est un acteur, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça me permettre. Kev Adams vient du stand-up. C'était Les Combattants. Les Combattants. Ouais, où il avait fait un second rôle, William Goodwin, dans un film. Et ça avait justement surpris parce qu'on le connaissait que par Soda et que voilà. En tout cas, William Legby, moi j'aime beaucoup cet acteur. Oui, moi je suis moins fan, mais après j'accepte. Ouais, comment on danse, j'ai bien aimé. Dans la première année, bah tiens, je l'ai vu il y a longtemps, ouais. J'ai bien aimé moi la première année. Ah bon. Et il avait l'air pas mal. J'ai pas vu Amiens, mais. On avait dit que c'était un film qui passait. La Coste et lui, tu vois, je trouve que ça passe le dur. Ouais, je suis pas fan, c'est comme ça. Dans Amiens aussi, on voit pas fan. J'ai pas vu Amiens. C'est la vie, c'est comme ça, on a plus d'attachement à des certains. Pour finir, parce que là on va finir l'émission. C'est très rapide. Kev Adams, un jour vous allez voir, il va faire comme beaucoup, c'est-à-dire qu'il va faire le film qu'il faut faire. Et là, il y en a beaucoup qui vont retourner leur veste. Si quelqu'un veut me donner le film qu'il faut faire aussi, moi je veux bien. Moi aussi. Petite question, tour de table, qui est pour vous l'acteur ou l'actrice en France, hein, on va prendre des Français, qui est, je sais pas, qui pour vous, voilà, qui est exceptionnel et qui vous fait kiffer le cinéma français, Tommy. Est-ce qu'il y en a un, tu te dis, mais waouh, il est exceptionnel à chaque fois, il est formidable. Bah franchement. D'où je le protégeais. Bon, j'ai pas vu le flic de Belleville et vous me tentez pas trop. Ouais. Omar Sy, j'aime beaucoup ce qu'il devient. Enfin, ouais, ses derniers films. Ouais, je le dis encore, j'arrête pas de leur dire. Je crois que c'est un de mes films préférés en fait, c'est pour ça. Demain, tout commence avec Omar Sy. J'adore ce film. Et il joue dedans, genre, il m'a touché et tout. C'est même s'il joue en bâtard comme intouchable, c'est qu'il est tellement sympathique dans sa manière de jouer que ça passe. Tu vois, sans forcément être drôle. Il est naturel. Il est sympathique. Ceux qui n'ont pas vu Demain, tout commence, je vous conseille. Camille. Moi, là, le nom qui me vient, c'est Pierre Niney. Périr ou enfin Sauve au Périr, il a l'air d'être un film français encore. Alors, Pierre Niney, il a pris une masse musculaire pour un film. Tu l'as vu? Sauve au Périr. Mais alors, c'est ça. Mais j'ai vu la photo de sa masse musculaire. C'est Sauve au Périr. Et le film a l'air d'être. Je sais pas. Pour le prendre une masse musculaire comme ça, c'est pas pour rien. Ah ouais, non, j'ai vu des annonces. Il est impressionnant. En acteur français. Ou actrice. Ouais, ou actrice. Je vais faire dans le très classique, mais honnêtement, Jean Reno et Depardieu, quoi qu'ils jouent, ils me font vibrer. Et comme je suis plus un peu théâtral, j'aime beaucoup Arditi, j'aime beaucoup Lucchini. Mais Lucchini, si je reste en pur cinématographique, ceux qui me font vibrer, qui me parlent, c'est Depardieu et Jean Reno. Rien que le travail sur leur voix, même quand ils tournent dans des comédies lambda, ça me fait petite quand même quelque chose. Pour Laurent Lafitte, il fait des bons petits trucs aussi. Laurent Lafitte, ouais, il est pas mal. Mais pour moi, c'est un autre calibre, tu vois. Ouais, c'est un autre calibre. Depardieu, Reno, pour moi, c'est égal à Aznavour et Hallyday dans le monde de la musique, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais sinon, je refais juste un tour, mais dans les nouveaux, moi, je voulais dire plutôt dans les nouveaux. Dans les nouveaux, Non, c'est pas nouveau pour toi, c'est entre les deux. Allez, Omar Sy, j'accepte. Oui. Bah, Pierre Niney, ça marche. Qu'est-ce que t'appelles dans les nouveaux? Bah, moi, par exemple, si je donne celui où je trouve exceptionnel et j'aimerais qu'il. Pio Marmaille, inconnu. Tu dis Pio Marmaille à quelqu'un, personne ne le connaît. Si, il est exceptionnel, ce mec. C'est vrai, oui, effectivement. J'ai du mal avec sa tête personnellement, mais après, c'est personnellement. C'est vrai qu'il joue pas mal. Le mec qui me sort, le mec de Le Monde est à toi, je le tape. Franchement, dans les nouveaux, il y a personne pour moi. Ah oui, qui me fait vibrer. C'est des bons acteurs. Hein. On parle vraiment de moi, ce qui me fait vibrer artistiquement, pas grand chose. Par contre, je reconnais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent excellemment bien et qui sont très forts en technique, mais ça ne me touche pas plus que ça. Peut-être parce que aussi les problématiques des films ne me touchent pas, je sais pas. Mais actuellement, il y a personne. Peut-être à Raïm. Je sais pas si tu le considères comme nouveau ou pas. Moi, ouais, allez. Mais il me parle et il résonne. Il a ce quelque chose des grands que je vois en lui. Une petite magie dans les yeux. C'est vrai. Peut-être Timothée Chalamet, mais je sais pas si on peut le compter comme français. Compliqué là. Ouais. Ouais. Bon, à mon avis, lui, il va aller loin. Faire attention quand même. Non, si. Il est jeune. On va voir. Gauthier, qui est avec son fabuleux téléphone. Moi, j'avais choisi au départ François Cluzet, mais vu que tu m'as dit choisir dans un nouveau, là, moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cet acteur-là. François Cluzet dans la génération. Plus ancienne et dans la. Et là, c'est vrai que c'était un film que j'avais vu dans Les Cowboys et j'arrive pas à retrouver le nom. Je crois que c'était Marvin, le dernier film que j'ai vu, c'est Finnegan Oldfield. Oui, déjà, il a une bonne tête pour passer à l'écran. Et dans Les Cowboys, il avait tenu le film, la deuxième partie du film, là où c'était la partie la moins intéressante, vraiment celle qui bougeait le moins. Et je pense qu'il avait, il avait réussi à tenir le public. Effectivement, je pense que je le rejoins finalement. Je l'avais vu et je l'avais joué aussi dans Marvin, qui était pas mal. Dans Marvin ou La Belle Éducation. C'est quoi son nom pour vous? Finnegan Oldfield. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Mais à chaque fois je sais pas, il y a quelque chose, c'est Golshifteh Farahani. Je sais pas si pour vous, elle est pas française. Elle joue beaucoup dans le cinéma français. Elle a ce. Non, mais on parlait de. L'année dernière, pour Santa Company, tiens, c'est bon. Ouais. Mais il y a cette. On parlait, tu disais que tes deux acteurs te font vibrer. Ouais. Et ça, c'est le genre d'acteur mais, ou d'actrice, tu vois sur l'affiche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste. Attends, ton petit jeu, si on va finir avec ça, tiens. Mais cette actrice me fait vibrer juste sur l'affiche. Et vraiment, t'es là et tu te dis waouh, c'est assez extraordinaire que une personne, alors il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Oscar Isaac par exemple. Oui, Oscar Isaac, tu parles bien de celle qui a fait le film Santa avec le chat. Les deux amis, qui jouaient un peu dans Pirates des Caraïbes le dernier. Ah d'accord, ok. Patterson, etc. Ok, ouais. Et ça, c'est des genres d'acteurs et d'actrices, ou même Oscar Isaac, ou... mais ils ont quelque chose. Jack Gyllenhaal aussi, c'est sur une affiche. Ah bah alors là, oui, mais on a visé la France. Oui, on a visé la France, c'est vrai, mais ouais. Là, j'ai plus de nom après. Mais Jean Dujardin, maintenant, je dirais plus qu'avant. Alors, j'ai un amour infini pour Jean Dujardin, mais. Il ne fait pas vibrer. Mais par contre, tu vois, je vais te dire, c'est mon acteur préféré. Mais si tu me parles de quelque chose qui me fait vibrer, il y en a qui ramènent plus du lourd. Ouais. Bon, après, il faut aussi une question de temps. Je pense que ça, il faut que ça se. Après, c'est une question de résultat, hein, parce que nous, là, c'est à notre avis. Après, il y a des réalisateurs qui, je pense, d'un point de vue, vont pas plaire à tout le monde et qui pourtant cartonnent à chacun de leurs films. Je pense à Philippe Lachaud, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, il a pas fait un seul film en tout de millions. On sait pas trop ce que ça va donner. Non, je pense que quand même, Nicky Larson, vous allez voir que Nicky Larson, il va sortir un moment où il y aura pas de concurrence et qu'il va quand même marcher. Il va quand même marcher, oui. Mais j'aime peu peur quand même. Mais je veux rien dire, faut que je voie le film, je veux pas le juger avant. Voilà, moi aussi je vais faire ça, mais là c'est un sujet super sensible. On a tous peur. Pour moi, une qui fait pas assez de films à mon avis, c'est Bérénice Bejo. Ah, je suis d'accord, je me suis demandé. Je me suis demandé il y a pas longtemps pourquoi t'as raison, ouais. Elle est dans un film dans pas longtemps. Je tiens à dire quelque chose. Elle est fabuleuse dans The Artist, elle mérite l'Oscar en fait. Hein. J'aime beaucoup Jean Dujardin, mais c'est elle qui fait le film. Pour moi, dans le jeu, c'est une de celles qui joue. Enfin, c'est celle qui rattrape le film. Mais dans OCS 117, elle est extraordinaire aussi. Ouais. Alors les gens, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Non, on fera ton jeu la semaine prochaine, ça te dérange pas? C'est pas son jeu, non? Bon allez, vas-y, on voit ta sauce. Et les films pour la semaine prochaine, non? Après, à la fin. Ok, alors bon, tout le monde connaît le principe du jeu, maintenant, c'est simple. Alors on part donc pour la bataille des films au box-office. Entre L'Âge de Glace, le premier, et les Simpsons, le film. L'Âge de Glace. J'hésite. Simpsons, je dirais moins. J'allais dire Simpsons. L'Âge de Glace, c'est le premier. Mm-hmm. Il vient d'arriver. Je pense L'Âge de Glace. Je connais pas. Et Simpsons, il y a déjà le dessin animé, plusieurs saisons déjà. Simpsons, moi je dis. Les Simpsons. T'étais un zombie, toi, il y a deux secondes. Non, j'étais en pleine réflexion sur les films de. C'est les Simpsons. Ah. L'Âge de Glace a rapporté 383 millions. Ouais. Et les Simpsons a rapporté 527 millions. Mais ça aurait été L'Âge de Glace 2, là j'aurais pu se réfléchir. Entre Very Bad Trip et Captain America 1. Captain America. Ah, je suis pas. Very Bad Trip. Je pense Very Bad Trip aussi. Ce qui a eu un gros succès, il y a eu le buzz pendant longtemps. Ouais. Captain America 1. Very Bad Trip, moi je dirais. Et bah, Captain America 1 a rapporté 370 millions. C'est Very Bad Trip. Et Very Bad Trip 460. Ouais, c'est Very Bad Trip. Ok. Mais moi je l'ai vu, j'ai bien rigolé, je m'y attendais pas à celui-là. Ensuite, entre Star Wars 8 et Avengers 2. Avengers 2. Bah c'était serré quand même. 1 milliard 332 millions. Ça se compte en milliards maintenant là. C'est fabuleux. Et Avengers 2, 1 milliard 405. Eh mais parenthèse, Star Wars 9, je me demande ce qu'ils vont faire niveau box office hein, après la déception du 8 et ça va faire plus d'un milliard mais ça fera pas ça a chuté là depuis En parlant des années c'est normal parce que tu peux pas faire franchement aujourd'hui deux films qui font 2 milliards d'affilée, tu peux pas. Et puis c'est obligé qu'il allait baisser. Puis maintenant, les gens, souvent, ils téléchargent. Il y a Netflix, il y a ceci, il y a les attentes. Ouais, c'est mais il faut dire la vérité, c'est vrai que ça puis ça tout coûte cher, le ticket, tout ça. Non, mais Star Wars, c'est un événement. Tu télécharges pas Star Wars. C'est vrai, je suis d'accord avec moi. Chose qu'on a pas s'ils ont pas apprécié le 7, ils sont dit, tiens, je regarde le 8. Le 7 a fait plus de 2 milliards. C'est des scores qui sont très rares. Il faut prendre en compte tous ceux qui finalement n'ont pas aimé le film. On arrive à 1 milliard 300 millions. Aujourd'hui, vous faites un film qui fait 1 milliard 300 millions. C'est énorme. On est d'accord. Moi, déjà, tu me dis 1 milliard, je suis là. Je vois. Incroyable. Donc, non, mais voilà, c'est pour ça, c'est que ça reste quand même incroyable, je pense, Star Wars. Next, monsieur. Il t'en reste combien là? Alors, il me reste deux. Allez, entre La Nuit au Musée et Monstre University. Monstre University. C'est quoi Monstre University? C'est la suite de Monstre et Compagnie. Ah, okay. Qui est un préquel. Monstre University, monsieur. Je pensais pas que La Nuit au Musée avait autant rapporté. Je veux pas donner d'indice. Je pensais pas que La Nuit au Musée avait autant rapporté. Monstre University. Pas que Monstre University non plus. Mais La Nuit au Musée. Mais je pensais pas. Et bah non, c'est Monstre University. Mais La Nuit au Musée a quand même rapporté 574 millions. Ah ouais. C'est presque un demi-milliard. C'est Monstre University 744. À l'international, on est bien d'accord. Ça m'étonne pas. C'était Monstre et Compagnie, il a été kiffé. Plein de gens. Ah mais ouais, mais par exemple, on avait vu la semaine dernière Monstre et Compagnie, là, il avait fait 500 millions, tu vois. Ouais, mais c'était comme les films de tout à l'heure, les films qui ont marché après. Ouais. Il y a eu beaucoup de DVD, ouais, je pense. Tout. 500, je pensais pas. Et puis Monstre et Compagnie, franchement, je crois. Je suis dans un état, j'ai tellement soif que là, faut que je me lève, faut que j'aille chercher de l'eau. Vas-y, continue. Oui, et puis le dernier, entre American Sniper et Lucy. American Sniper. Je bug un petit peu. Là, il est compliqué celui-là. Je pense American Sniper. Je crois savoir que Lucy a été une déception. Oui, parce que Lucy, les gens n'aiment pas trop Ubisoft. American Sniper. Enfin, en Amérique, ils ont pas trop kiffé Lucie et tout. Eh bien, American Lucie a plutôt bien rapporté quand même. Quand même, oui, donc c'est American Sniper, mais Lucie avait rapporté 463 millions, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et American Sniper, 547 ouais, millions. Il faut savoir qu'en 2014, c'est le film qui a le plus rapporté aux États-Unis. C'est pour ça que quand on parle des Oscars qui récompensent pas assez les films populaires, il faut savoir qu'American Sniper a remporté l'Oscar du meilleur film cette année-là, je crois. Et c'était quand même le film qui avait le plus rapporté. Et moi, si on parlait choisir des acteurs américains, je pense que Bradley Cooper serait dans mon top. Pardon, excuse-moi. Si on devait choisir des acteurs américains, comme t'as fait avec les Français, Bradley Cooper, c'est dans mon top. Je te dis oui, même dans des petits films. Tu te rappelles de Chef surtout dans des petits films. Chef. Ça me dit quelque chose. Avec Chef. Très bon. Je suis allé voir ce film, je dis oh là, c'est cheap. Non, mais déjà, ça faisait cheap, l'affiche. Encore un film de cuisine, c'était la mode des films de cuisine. Et en plus de ça, Omar Sy, là-dedans aussi, j'ai bien aimé. Il est bien. Et surtout, un petit twist. J'ai bien aimé. Franchement, le film est cool. Je le préfère dans les films américains comme ça que dans les Jurassic Park. Bradley Cooper, il est pas mal. Bradley Cooper, c'est un de mes. Et puis il a joué dans Star Is Born, là, qui Star cartonne actuellement. Là. Ouais. Et le Very Battery, c'était le plus américain. Le truc avec Giro, science-fiction, je m'en rappelle plus. Limitless. Voilà, à mettre dans les scènes. Les gars, on dirait qu'il est bourré, ça y est. Limitless, il était. J'ai la fatigue. Mais t'as bu ton eau, puis t'as fait. Non, Limitless, ouais, franchement, Bradley Cooper. Limitless, il est excellent. Excellent. Ah, juste pour excellent, excellent. Happiness Therapy. Voilà. Franchement, un film pas bien de Bradley Cooper. Jennifer American Bluff. Extraordinaire. Il a un petit second rôle. On parlait de second rôle. La photo de l'équipe de American Bluff aux Oscars, c'était la photo la plus tweetée au monde. Vous saviez ça? Ah non, je savais pas. Le selfie. Le selfie de l'équipe du film aux Oscars. Bradley Cooper. Et bah c'est la photo la plus retweetée dans le monde. Avec Ellen DeGeneres. Mais je crois que ça a été dépassé dans récemment. J'ai pas vu de film de Bradley Cooper que j'ai pas aimé. Il y a même un film un peu plus auteur, j'ai envie de dire, avec Ryan Gosling. Patrick 3. Je sais plus comment ça s'appelle. The Will Pines. Voilà. Ah, ça. Pas du tout aimé ce film. Pas ça. Un truc comme ça. Et bon, le film. Beyond the Pines. Mais il joue bien dedans. Il fait de tout avec Cooper. Mais il joue bien dedans. Avec comment il s'appelle? Eva Mendes. J'aime pas Eva Mendes. Extraordinaire. Je l'ai découvert. Non, mais parce que moi j'avais juste les trucs de pub avec Dior et tout ça. Et à un moment donné, je regarde un film qui s'appelle Live. Ouais, Live. Extraordinaire. C'est une actrice extraordinaire. Elle est jolie, elle est sexy, mais elle sait jouer. Non. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, je suis là, mais t'as dû voir dans Ghost Rider ou une connerie comme ça. Je te jure, regarde Live. J'ai vu dans plein de films. Jessica Alba aussi, je mets Jessica Alba. Extraordinaire. Machete. Quoi? Awake. Regarde Awake. Ça fait longtemps que j'ai vu. Jessica Alba, je trouve que c'était avant et maintenant. Sin City. Sin City. Et même. Ouais, à part Sin City, bien sûr. La série d'Archangel. Fast and Furious. Oui, avant, c'est ce que je dis. Avant. Le personnage d'Eva Mendes. Non, mais justement, c'est ça que je dis Dark Angel avant. Tu as vu Dark Angel, tu verras la même profondeur. C'est compliqué. J'avoue que t'aurais vu Dark Angel, ça va être ton genre de truc. Attends, on parle tous en même temps, c'est une catastrophe absolue. Non, mais justement, je parlais avant. Là, dernièrement. Un des derniers films où je l'ai vu, c'était quoi? C'était Mécanique avec Jason Statham. Non, ce film-là, c'était, j'étais pas d'accord. Ouais, non, mais après, j'ai pas dit qu'elle joue dans des bons films. Je dis juste que c'est une très bonne actrice. Oui, elle est très belle, mais. Tu peux être une bonne très actrice. Bon et dans des mauvais films. Ce qui fait que là, elle était en surjeu total dans genre Mécanique. Je n'ai jamais pu supporter la VF de cette actrice. De Jessica Alba? Non, de Mendes. Ah. Ah oui, bah je oui. On s'en fout. Je l'ai même pas en tête. Je la déteste. On s'en fout un peu, mais je sais pas. Si je dois l'avoir avec Ghost Rider, tu n'aimes pas la blairie. Tu peux pas la blairie. Moi là, ça me passe au-dessus. Genre, si la doubleuse écoute la radio, on va perdre une. C'est une connasse. On a perdu une audite. Oui, c'est bon. Non, alors, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine, les amants? Overlord, tu poses? Pardon? Non, il est pas encore sorti. Moi, je vais voir Mauvais Herbe. Alors, quelles sont les sorties de la semaine? Casse-Noisette. Ah oui, j'y vais. Ok. Et les 4 royaumes, c'est ça? Disney, de toute façon, c'est pour nous. C'est une bonne idée de sortir. Lola et ses frères, de Jean-Paul Roux. On va essayer aussi. On a trop de films. Sauver ou périr avec Pierre Niney. Oh non. Bon, bah. Ça fait du boulot. C'est trop d'avoir Mauvais Herbe ou. Mais on ne voulait pas aussi le film. Je crois qu'il soit déjà sorti. Il y a le film avec Kéron aussi. Enfin, deux Kéron. Mauvais Herbe, on est mercredi. Mauvais Herbe, il sort cette semaine. Eh ben, c'est pas les bons films. Ah, voilà. Ah non, c'est 28, c'est la semaine prochaine. C'est la magie du montage. Bon, je me suis totalement coupé. Bah, je me suis gouré. Parce que la semaine prochaine, il y a aussi Robin Hood qui sort. Ah oui, celui-là. Alors, donc qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui, en fait? Exactement. Alors, attendez. Nous irons voir. Je check quand même hein, pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a un... Grinch, non? Fait une tête de suspense. Pas ce mois-ci, enfin, okay. ce serait-là. Alors, on ira voir Mauvaise Herbe, tiens. Ouais. Okay. Amanda avec Vincent Lacoste. Overlord pour celui qui veut. Overlord, voilà ce que je disais. Et les filles du soleil, avec qui? Golshifteh Farhani. Voilà. Donc toi, tu vas aller voir les filles du soleil. Toi, tu vas aller voir Mauvaise Herbe. Overland, ouais, son côté, tu moi je vais voir Overland, mais je vais aussi aller voir Overland parce que pour coup il m'intrigue depuis quelques jours. Lui. Moi je pense mauvaise j'aimerais herbe. J'aimerais bien qu'on aille voir tous Mauvaises Herbes. Ça ouais. vous dit Mauvaises Herbes, pourquoi mauvaise pas. Herbe, allez, c'est le film principal de la semaine prochaine, Mauvaises Herbes de Cairon, qui a fait un excellent premier film. Oh oui, Nous Trois ou Rien. Avec Leila Bekti. Qui m'a bluffé. Franchement, autant vous dire. Tu l'as pas vu? Non. Bah, essaie de regarder avant de voir Mauvaises Herbes. Il a une magie dans la réalisation, c'est qu'il peut te faire, et même dans le côté auteur, c'est qu'il peut te faire rire et pleurer en même temps. Il est très drôle, je l'ai vu sur le plateau. Incroyable. Je crois que drame et comédie. Regarde le film, mais au même vraiment. Et ah, ça envoie moi ton avis. C'est quelque chose qui m'a surpris, c'est vraiment très drôle, mais pas un drôle genre d'humoriste, c'est un drôle mais naturel, quoi, vraiment très naturel. Quoi. Nous Trois ou Rien. Avec Leila Bekti aussi. Film où, et ça c'est extraordinaire je trouve, mais tout est léger. Mais tout est grave aussi. C'est ça. Extraordinaire. C'est ça. Vraiment, je dis bravo pour ce film. Et bon, on va venir à voir pour le deuxième. Si c'est il y a une histoire. Je crois qu'en plus, Mauvaises Herbes, c'est tiré de son histoire. Bah, c'est ça. C'est... Nous Trois ou Rien, c'est une histoire vraie et tirée de ses parents. Il joue le rôle de son père. Exactement. Donc, tout ce qui est dit est vrai. Mauvaises Herbes, je sais pas par contre. Mauvaises Herbes, c'est inspiré de ses années. Ouais, de ses années de galère. Il a mis un mix, il a raconté une histoire. Ok. Mais il y a plein d'anecdotes. En fait, quasiment tout est vrai. En fait. Ok. À part deux, trois détails. En tout cas, voilà. Pour répondre à la force de ces films, Nous Trois ou Rien. Si on met des trucs vrais dans les films, c'est. Trop rien, ça donne puissance. C'est vrai. Romance évidemment, mais oui, c'est bien vrai. Sûr. Ouais. Les amis, je vous dis merci pour ce débat sur Harry Potter. Merci. Harry Potter. Fantastique. Animaux fantastiques. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Podcast dimanche 10h. Je dis quand même dimanche 10h. Tous les podcasts seront toujours le dimanche à 10h. Puisque le dimanche, on se réveille. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on regarde ce qui s'est passé sur la page VGBM. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. On a 256 j'aime. Il faut qu'on augmente. Objectif 300, objectif 500, 1000, 2000. Et le monde. Et le monde, exactement. Merci Gauthier. De rien, je pars en vacances moi, là. Je pars en 15 jours, je suis pas là. Oh. Je préfère te le dire. Tu pars où? Je ne sais pas encore, mais j'espère que ça sera une bonne destination. Parce que, au vu de l'argent que je vais mettre dans ces vacances, autant qu'à faire, autant que ce soit un bel endroit. D'accord Gauthier, je te souhaite d'aller. Je sais que t'avais l'air d'en avoir. Je te souhaite d'aller comme Jennifer. Oh soleil. Faire un j'en petit trouve. Tour au soleil. Oui, bah on va s'arrêter là. Franchement, non, faut continuer là-dessus là. Tommy, qu'est-ce que tu fais Jennifer, quel est ton programme? À part peut-être dîner romantique avec ta copine. Au soleil. Pour quoi? Pour les vacances. Je te donne une idée hein, intéressante. Oui. Bah on va aller. Non mais là, qu'est-ce qui se passe là la semaine là. T'as vu la semaine? On va aller voir les Mauvaises Herbes. On va aller voir sûrement Overland. Et je vais travailler aussi, bien sûr. Bien sûr. Et puis continuer à finir mes cadeaux de Noël, que je n'ai pas fini, mais ça se rapproche. T'es en avance, mais important. Toujours. Camille. Je vais aller en cours, et puis voir les Mauvaises Herbes, et peut-être les chatouilles. Elle va chanter, elle va danser, elle va voilà, travailler. Tout à fait. Profiter tu m'as donné envie de voir les chatouilles. Et les chatouilles, tu m'as donné envie. Ok. Pas avec moi, bien sûr, mais au cinéma. Mohamed. Oui. Non, merci. Je serai là la semaine prochaine. Et quel est ton programme de la semaine? Travailler. Ouh là là, celui-là, celui-ci. Casting. Il m'a raconté un petit peu. Ouais. Il est persévérant. Je sens qu'il a plus de projets que Cara, lui. Et tu sais quoi, je vais le laisser quand même. Je vais pas couper cette séquence magnifique. Mais on l'embrasse quand même. Il a participé à une émission. Il a été bon, je trouve, en plus. Après, bon, on a voté. Hein. Le peuple décide. Quand je parle du peuple, c'est les chroniqueurs, bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Bisous. Salut à tous. Fais-moi, c'était juste une petite bonne, je voulais pas le terminer. Donc... Nickel, là-bas.